Retro Nouveau. Cette semaine à Retro Nouveau, on reçoit Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants pour un spécial Sonic the Hedgehog. On parle du personnage et de ses jeux. Aussi, les critiques de Rhythm Thief and the Emperor's Treasure, Dead Storm Pirates, Sonic Spinball et Sonic Generations. Pour terminer, on discute de jeux vidéo de super-héros. Ça roule. Juste pour être certain. Ben, salut, Ben. Salut. Hey, salut, Ben. Merci d'être là pour ce 33e épisode de Retro Nouveau. Comme tu as dit, well overdue. Oui, hey, oui. Ça fait longtemps qu'on t'invite, puis qu'on a des problèmes, puis qu'on t'invite, puis qu'on a des problèmes. Ouais, c'est cool. Non, c'est assez gênant. Ouais. C'est assez gênant quand même. Mais je suis vraiment stressé de performer. Là. C'est ça l'affaire. Ouais. Mais tu sais, à ton show au Péralé, tu fuck off. C'est pas grave. Ça, c'est vrai. Mais là, tu veux pas moffer le show de quelqu'un d'autre. Non, c'est sûr. C'est bien que vous avez de la bière, je bois. Ouais, on a une belle quantité en ligne. Oui, c'est ça, un gros cake qui est là. Hey, j'aimerais ça pouvoir faire ça, moi. Ben ouais, j'ai amené un cake de Heineken là, pour bien Benoît. Bien pour être sûr, ça est bien. Ouais, c'est juste pour Benoît, comme ça, s'il y a de la misère, ben on le met en dessous du cake, c'est une petite poignée, là, on pèse là-dessus, puis ah ouais, direct dans la bouche. Ma critique tantôt, j'ai la feuille en haut comme ça, puis le cake dans la bouche. Ça serait parfait. Sonic, ça va être le meilleur jeu ever. Ouais, c'est le meilleur jeu ever. Ben c'est ça, t'es un gros fan de Sonic, fait que c'est un peu la raison pour laquelle... Ouais, j'ai beaucoup plus joué à Sonic qu'à Mario quand j'étais jeune. Oui. Chez nous, à la maison, on n'a pas eu notre Super Nintendo en premier, on a notre Sega Genesis. Ah, t'as eu les deux? Ouais. Puis en fait, on a eu notre Super Nintendo quand le 64 est sorti. Okay. Donc, on a joué pendant des années aux jeux classiques sur Genesis, dont toute la trolley des Sonic. Okay. Et Sonic Spinball, qui étrangement, je sais pas si vous avez remarqué un peu sur Internet, le monde ne font pas trop référence à Sonic Spinball. C'est comme si c'était une honte, mais c'est pas si pire comme jeu. Non, là, c'est loin d'être une honte. Non, c'est même, ça, mais je sais pas. On dirait que ça rentre pas dans l'espèce de mémoire collective des Sonic. Mais toutes les Sonic, puis c'est vraiment un personnage, l'univers des Sonic me plaît beaucoup. Oui. Et avant de faire l'émission, je pensais que j'étais comme un expert de Sonic. Ouais. Comme je vous expliquais avant le show, j'ai fait un peu de recherche, puis Colin, ouais, soit t'es rendu vieux, soit t'es pas vraiment un gamer, ou soit il y en est manqué une coupe. Mais les classiques 8-bits, 16-bits, les 16-bits, ouais, j'ai pas mal joué à ça, toute la gang. Ah, c'est cool. Ouais, parce que nous autres, on est assez lazy. Là, on a demandé à notre invité de faire une recherche sur Sonic. Mais non, mais des heures d'études. Mais il a dit qu'il y avait ça, Sonic. Fait non, j'adore ça. Moi, je me suis dit, dans le fond, c'est un pro. Tu sais, j'écoute ton show, Les Mystérieux Étonnants. Puis je me suis dit. T'sais, pro Benoît, quand à son il connaît... show, pro partout. Ouais, exact. Quand il connaît un sujet, il connaît jusqu'au fond. Fait que là, je me suis dit, on va lui donner de la pression pour notre show. Fait qu'il va nous faire de coups de canon pour Sonic. Mais j'en ai appris en plus. Puis il y a un lien entre le super-héros et Sonic. Ouais, c'est ça. T'en apprends t'en en même temps. Puis tu le partages. Puis c'est le but de faire du podcasting, de toute façon. Ben oui. Mais Sonic, la franchise en comic book, elle existe encore. Oui, Oui, encore aujourd'hui. Puis il y a plus de 237 numéros de comic book. Et j'ai appris en faisant justement la recherche que c'est la franchise de comic book adaptée d'un jeu vidéo qui a la plus longue longévité. Wow! C'est assez incroyable, 237 Mais c'est ça, c'est cette semaine qui annonçait qu'il y a un crossover de Sonic et Mega Man. Oui, parce qu'il est aussi publié chez Archie Comics, qui ne font pas que du Archie, justement. Là, Archie font encore Megaman? Oui, oui, c'est ça. Mais, mais je pense que la série, elle a arrêté plusieurs fois. Puis je me trompe peut-être, mais elle n'a pas tout le temps été publiée non plus chez Archie Comics. Parce que les gars de Trois Bières nous ont donné un comic book de Megaman. Oui, ils veulent que vous en parlez, justement. Ouais. Alors, attends un peu. Tu l'as-tu? Es-tu là? Oui, ouais. Bon, merci Yannick et Pierre-Luc pour ce fabuleux don. C'est surtout un don en très bonne qualité. En bonne qualité, là. Ici, au côté de... Ça y est. Je l'ai pas cartonné, là, celui-là. Non, c'est pas si super que ça. Mais habituellement, ils sont quand même assez bien... C'est-tu un Archie, ça? Oui, c'est un Archie. Oui, c'est un Archie. C'est assez coloré, tu sais, c'est fait pour les enfants, mais c'est assez dynamique. C'est pas... Ça aurait pu être plus crappy que ça comme produit, mais... Exact. C'est intéressant. Non, c'est très intéressant. On va le garder ça à la table pour montrer. Certainement. On montrait ça dans la vidéo. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, bienvenue à l'épisode. Ben, merci. Puis pas trop de pression. Franchement, on est... On se connaît. On se connaît. Ça va bien. Papa Cassette, t'es gay. Papa Cassette, on pourrait dire Papa Cassette. Tu sais, Papa Cassette, t'es gay. C'est ça qui fait une sorte. J'ai jamais dit ça. C'est un Papa Cassette très moderne. Hein? Ouais. Hein? Non, parce que j'arrête pas de bégayer parce que t'as reçu du swag lors de ton voyage. Je suis auto-swagué moi-même. Je suis allé en voyage. En fait, il n'y a pas eu d'épisode la semaine passée parce que j'étais parti. Ouais. J'étais à Old Orchard Beach pour un voyage québécois typique familial avec ma famille. Puis c'était bien cool quand même. Ouais. On rit beaucoup de ça. Mais oui, c'est cheesy, Old Orchard, on s'entend, mais côté enfant, là, amener un petit gars de 4 ans là, là-bas, il était dans les manèges, dans les vagues, dans les toutous, il a trippé au bout. C'est trippant, fait que nous autres, on faisait ça pour lui, puis s'il est heureux, on est heureux. Ben oui. Fait que c'est ça, puis là-bas, bon, hey, c'est le summum, là, c'est quétaine partout, il attend des t-shirts, puis tout ça, puis comme dans le temps, là, pareil. Puis il y a un gars qui a une petite shop de airbrush à côté des manèges, puis il fait du airbrush sur des casquettes de trockeurs, puis des t-shirts, puis des tout ce que tu peux imaginer. Okay. Fait que là, je lui ai demandé de me faire une casquette Papa Cassette, man. Yeah. C'est ça ta casquette? Ouais, c'est ça la casquette. Ok. Ça m'a coûté, la casquette d'ailleurs que vous pouvez voir sur le site, tu l'as mis en photo. Je l'ai mis en photo sur le blog, puis dans la section acquisition. Une belle acquisition. Ça m'a coûté 27$ US. Fait c'est fou, il charge pareil le bonhomme. Il charge. Puis ben, je suis satisfait du résultat, mais tu sais, moi, je suis graphiste, je suis designer, tu sais, j'aurais comme... Ah, il me semble que j'aurais mis la manette plus grosse, puis le fil de la NES est comme en dessous, alors qu'il devrait être sur le dessus, tu sais. En tout cas, c'est des détails importants pour moi, mais bon, c'est pas grave, là. Mais ouais, c'est ça, tu vas peut-être avoir des connaisseurs collectionneurs qui vont te voir avec ta casquette, puis... Ah, tu ne sais même pas que les fils sont au-dessus. C'est ça. Pas qu'on se la casquette est comme c'est du airbrush, juste à cause que le fil est à mauvaise place. C'est qu'à tel airbrush en plus, ben, je trouvais ça bien drôle. Je trouve que ça fit. Puis je l'ai porté, tu sais, je l'ai acheté comme la dernière journée ou l'avant-dernière journée. Puis il y a des fans, un en particulier, j'ai oublié c'est lequel, désolé, qui a dit qu'elle allait être là-bas, tu sais, pendant ce temps-là. Puis il y en a tellement de monde, je me suis dit, je vais la porter, puis je vais peut-être croiser quelqu'un, tu sais, qui va reconnaître. Qu'il connaisse le design pareil de loin. Là. Ouais, c'est ça, mais non, c'est pas arrivé, là. Mais quand même. Fait que c'est ça, je me suis acheté ça, c'était bien cool. Puis je voulais faire une tournée des arcades. Oui. Dans mon temps, il y en avait 4. Maintenant, il en reste seulement une. Hey, ça, c'est triste. C'est triste. Ils ont construit une espèce de gros hôtel là, vraiment intense avec des restaurants. Puis ils ont fermé les deux autres. Puis elle qui reste, c'est elle qui va avec les manèges. Puis tout, c'est le fun Palace. Palace Playland. Puis c'est tout, ça va tout ensemble. Donc, l'arcade est encore. C'était ça avant. Parce que c'était Palace quelque chose. Je sais pas si c'était Palace Playland, mais c'était Palace. Puis ça ressemblait à un gros hangar. Oui, puis il y avait une face de clown. Oui, ça, exact. C'est encore, je suis jamais allé à Palace Playland, puis je voyais une face de clown. Ah oui. T'en parlais. C'est clair qu'au-dessus, il y avait une face de clown. Mais écoute, il y avait du stock là-dedans, mais pas tant que ça. Tu sais. Ah. Il y avait aucun jeu de combat. Moi, j'aime beaucoup les jeux de combat. Les jeux rétro, il y en avait seulement 2. Et puis, il y avait les Ninja Turtles. J'ai joué à ça, le vieux, là, dans le temps. J'ai joué à ça avec un gars d'Israeli. Ça, c'est proche de Thetford Mines. Puis, je connais ça. Puis, on l'a terminé à deux. C'était très, très, très cool. C'est ça. Quand tu m'as dit ça, moi, je me suis dit, il jouait avec un gars d'Israël. C'est pour ça, c'est big time. T'as compris? Oui, j'étais sûr que tu m'avais dit, j'ai joué avec un gars d'Israël. J'étais comme, OK, big deal. Je comprenais pas que tu me disais ça. Non, d'Israël, c'est une petite ville, là, à proche de Thetford Mines. C'est vraiment pas gros. Puis, c'est ça, on a trippé, là. On mettait les 25 scènes. Puis, on crevait pas mal, là, je vais te dire. Mais j'ai eu bien du fun, puis je trouvais ça le fun encore. Un petit peu moins spectaculaire que quand on y jouait quand on était plus jeune, là, je trouve. C'est l'âge qui fait ça, mais 100 fois meilleur que les Simpsons qui ont ressorti sur les nouvelles consoles, dans le fond. Là. Oui. La machine pour machine, là, c'était vraiment... On a eu bien du fun. Y avait-tu des machines à boules? Oui, je vais y venir plus tard. Bon. Je veux juste aussi, en rétro, il y avait un Galaga et Miss Pac-Man 20 Years Reunion. OK. Fait que j'ai joué à Galaga, man, en sauvage. J'adore ça, moi, Galaga. C'est bon, Galaga. C'est fun, le vieux, là, le classique. Puis à l'arcade, là... Encore le fun. Il est encore... Le sprite, il est 100 fois plus rapide qu'en version NES, je trouve. Ça se contrôle bien, ça réagit bien. Super bien. Quand tu shootes, là, les balles, ils partent une en arrière de l'autre. C'est pas piou, piou, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est vraiment rapide. J'ai vraiment trippé ma raide. Bon, j'ai joué à Deadstorm Pirates, un jeu de tir dont je vais faire la critique tantôt. Yes. Un jeu de course de bateau qui s'appelle H2O Overdrive. Oui, ben oui, c'est un classique, les H2O. Ah oui? Oui. Ah, je connaissais pas ça du tout. Oui. C'est quoi, il y en a plusieurs? Ben, il y en a eu une coupe, puis c'est des... Il y a trois normalement, aussi. C'est... Ouais. Ouais. OK, il fallait que je le fasse. Non, mais c'est du jet, mais du motojet ou je sais pas trop. Ouais, là. C'est des régates, là, qu'on ouais, dirait. Ouais, c'est ça, là. Exact. C'est des courses de bateaux super rapides là, qui se rentrent dedans. C'est ça. À la Mario Kart, mais comme... Non, même que je me demande si ça, c'est pas sorti, genre, sur Dreamcast, PS2, puis tout ça, parce que... Ça se peut. Je me rappelle avoir joué ça sur console. Pis dans la même série, ça s'appelait pas H2O, mais c'était un genre de Jeep. Des trucks, puis je voyais que c'était la même compagnie. Là, ouais, ouais. J'ai pas joué, là, mais je voyais que c'était la même chose. Donc, comme des big wheels, c'est ouais, ça me fait quelque chose. Ouais, ouais. Fait que il y avait ça. En tout cas, okay. Ben, c'était bien cool. Ça coûtait cher de la game, puis moi je pourris au jeu de course, mais je l'ai essayé, puis ça ouais, vaut la peine. Il y avait Terminator Salvation, un jeu de tir avec une espèce de gros gun. J'ai trouvé ça correct, mais il y avait tellement de stock dans l'écran, je savais comme plus où tirer, puis je me suis fait tuer très rapidement. Puis, t'étais confus. J'étais confus. J'étais tout confus, fait que j'ai laissé tomber ça, malheureusement. Là, mais non, le monde jouait pas tant que ça à celle-là quand même. Je sais pas, on dirait que c'était pas parfait. C'était beau, par exemple. Ouais. Le gun était vraiment cool parce que quand tu reloadais, t'avais comme ta clip en dessous que tu donnes tac, une tape dessus. Ah, tu sais, nice. Comme dans les films, là, quand ils en jettent une par terre, ils en remettent un autre, tac, ils donnent un coup. Fait que ça, c'était une belle cool, touch. Ça. Sega Bass Fishing. Avec une vraie canne à pêche, là. Avez-vous déjà vu ça? Ouais. Quand tu pognes un poisson, c'est des fish ou quelque chose de mal. Là, c'est oh, là, tu paniques. J'ai même pas réussi à sortir de poisson. Est-ce que ça tire sur la canne? Pendant que tu joues? Ça shake, mais ça tire pas en sauvage, mais devient plus raide la corde, effectivement. La simulation est super intéressante, c'est juste pour ça que je voulais l'essayer, mais tu sais, c'est plate, là, quand même. Fun à ça. Puis, pour les machines à boules, il y en avait trois, et j'ai joué aux trois, puis j'ai bien aimé ça. Les Simpsons, qui était la moins bonne tant qu'à moi, tu sais, elle est pas très chargée, je trouve, dedans, là, il y a pas grand-chose. C'est quand la balle elle circule, là, elle rentre jamais dans rien, tu sais, puis la balle elle levait dans les airs parce qu'elle arrivait trop raide sur certaines choses. Elle était là à 2 millième de Monsieur Net, puis on a pu se rafraîchir la mémoire là, en tout cas dans mon cas, puis non. C'est pas. Non. C'était pas fameux. J'ai été bien déçu. Je m'attendais à ce que ça soit bien le fun. Le circuit de rampe est pas super intéressant non plus. Non, je m'en souviens même pas qu'il y en avait tant que ça. C'est simple. Il y en a deux de chaque côté. Puis sont super simples. Pas grand chose à faire avec ça. OK. Mais sinon, une qui torchait dans le temps et qui torchait encore au max, puis c'était ma préférée, c'était Funhouse. Avec la grosse face. Là, c'est une face de clown au-dessus? Une grosse face avec la bouche à l'ouvre. Puis il y a deux rampes qui passent là, directement par-dessus. Il y a du stock en masse dans celle-là. Oui, puis était vraiment encore super le fun. Nice. Dynamique, les deux balles en même temps, un flipper de plus en haut. Ouais. C'est trippant. Là. Si on veut en mettre une dans ta cave là, de gaming, là, ça serait à considérer. Ça, vous êtes des amateurs de pinball? Surtout moi, je suis un obsédé de pinball. Ouais. J'adore ça. Je trouve que c'est un peu la seule machine qui a pas pu on peut pas vraiment avoir de simulation parfaite à maison, tu sais, tandis qu'une arcade, tu veux dire, tu veux jouer aux Simpsons, tu vas jouer sur ta console, puis ça va tuer un peu l'esprit d'arcade, mais tu vas quand même pouvoir jouer chez vous, tu sais, un pinball simulé. Il faut que tu aies le feeling de la machine. C'est là. Autre chose, tu sais, j'aime les versions électroniques, mais jouer à une machine de pinball, la brasser, puis ils se font tellement pas avoir, ces machines-là sont tellement calibrées d'une façon que tu peux pas les contrejouer. Là. Tu vas la lever un peu alcée, capable de se diagnostiquer elle-même. C'est en incroyable. Analogue, là. Ouais, c'est ça. C'est en plus, ça qui est impressionnant. Ouais. C'est vraiment, moi, c'est de l'art, là, les machines. Il y a pas une grosse convention à chaque année à Pittsburgh, si je me trompe pas. Ouais. J'ai un pote qui est allé et il dit que c'est assez hallucinant la quantité de machines non, que tu peux tellement ça y aller. Puis c'est ça, il y a les gars de... Il y a un jeu qui est sorti, c'est de Pinball Arcade, qui est dans le fond la collection la plus réelle, la plus 100% réelle qu'il y a en digital, parce qu'ils défont toute la machine puis ils modélisent chaque morceau avant de la refaire. Oh! Puis ils ramènent ça dans ils l'ordinateur ça après. Dans le jeu après. Donc dans chaque pièce a une influence sur la structure. Une physique différente puis tout ça. Fait qu'ils essayent de... Mais c'est débile, ça, quand tu penses à ça. Quoi, ils scannent-tu les pièces? Ils scannent toutes les pièces, puis ils refont toutes, puis ils leur donnent toutes les vraies propriétés qu'ils ont. Puis c'est du monde qui font vraiment des pinballs dans vie. OK. Puis, entre autres, Funhouse est supposé venir dans un prochain download, tu sais. Fait que ça me fait triper, mais en même temps, il n'y a rien qui serait mieux que de l'avoir chez nous. Non, non, c'est clair. C'est mon rêve, ça, avec ma nouvelle maison. T'as-tu une arcade chez nous? J'ai pas d'arcade chez nous. J'ai un pote qui vient s'acheter Mortal Kombat, je pense que c'est le 2. Ah, en arcade, nice. J'étais jamais allé chez lui, puis je cherchais la maison, c'est la semaine passée. Ok. Comme t'entendais le gars jouer avec. C'est là. Nice. Wow. Fait que sinon, il y avait aussi The Addams Family. Pas piquer des verres, j'aimais mieux Funhouse, mais t'es quand même bien sympathique. Moi, Old Dodger, j'ai des bons souvenirs avec Raven. C'était une de mes préférées parce que ça tirait de la mitraillette quand tu pitchais ta balle. Ah ouais? Raven, c'est comme un spin-off cheap de Rambo. C'est Rambo version fille. OK. Puis j'avais mis un site web sur Retro Nouveau que c'était les pires flyers d'arcade qui existent. Puis Raven est dedans parce qu'elle est tellement cheap et elle fait dur, mais... Ouais. C'était une très bonne chose. On remercie Nicolas Lachapelle. Oui, c'est Nicolas Lachapelle qui voulait qu'on le plug pour ça. Oui, c'est vrai. On le plug, Nicolas. On le plug. Nicolas qui travaille chez BioWare. Fait que c'est pas n'importe qui. Non, respectez-le. Un gars qui était présent en tremblant avec nous. Ouais. Très gentil. Un foutu bon joueur, le Street Fighter. Oui. Donc. Alors. That's it. Ben, c'est tout. On passe au show. Yes. Let's go. Rétronouveau.ca. Fait que moi, j'ai mis sur le site la bande-annonce de l'annonce de Mortal Kombat Legacy saison 2. Ouais. Il y a le réalisateur de cette web-série-là que j'adore. La saison 1 était vraiment excellente. Il y a beaucoup de monde qui sont passés à côté parce que c'est une série qui prend pas Mortal Kombat comme il est fait d'habitude. Ça raconte vraiment... l'histoire de chaque personnage. C'est ça, l'histoire de chaque personnage. Puis, il était pas vraiment au tournoi ni rien de ça. C'était vraiment avant qu'il arrive au tournoi de Mortal Kombat. Ça expliquait le psychologique de chacun de ces personnages-là. Mm-hmm. C'était très intéressant. C'était basé sur un film, un court-métrage qu'il avait eu dans l'intention d'en faire un long-métrage. Ouais. Puis évidemment ça n'a pas fonctionné pour faire le long métrage, mais il y a eu tellement de hype sur internet qu'ils ont fini par avoir la subvention pour pouvoir faire la web série. En fait, le gars il a été engagé par des studios parce qu'à l'origine, quand il a créé le premier vidéo, il était pas à l'embauche de n'importe qui de personne. Non, c'est ça, lui il était tout seul là-dedans. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais c'est ça, c'est bien fait, c'est vraiment bon, vraiment super intéressant. Moi j'aime l'angle qu'il a pris avec cette série-là parce que ça, c'est le fun d'enlever aussi un petit peu de cheese de Mortal Kombat parce que c'est quand même assez cheesy. C'est très 90s les Mortal Kombat. Vraiment, là, dans cette série-là, il n'y a pas de cheese du tout. Non, du tout, pas là. Du tout. T'sais. Puis là, il a annoncé le deuxième. Il annonce tous les personnages dans la bande-annonce que je ne nommerai pas présentement parce qu'il y en a vraiment. Tu veux pas l'annoncer avec un du beat en arrière? Ouais, c'est ça. Scorpion. Raven. Comme dans le clip, là, c'était vraiment. Ouais. Quand ils présentent les personnages, ils présentent comme. Mettons, ils mettent un bobblehead de Raven. Ouais. Baraka, c'est une genre de figurine de Baraka dans un tiroir à couteau. C'est n'importe quoi. Alors, c'est cool. Tu vois qu'ils ont du fun avec ça. Ils ont du fun au bout. Là, ils déconnent. Là, il a annoncé. On sait justement, vu qu'il y avait eu énormément de critiques des fans à cause qu'il n'était pas au tournoi, puis il voulait y voir au tournoi, il voulait voir plus de combats, ben c'est ce qu'il va donner pour la deuxième saison. Ça va être du combat, les combattants sont rendus au tournoi, puis il y en a des combattants là, en masse. Ouais. Genre de voir ça, c'est gratuit, c'est sur Internet. J'ai tellement hâte de voir ça battre les uns contre les autres, là, ça va être fou raide, là, tu sais. C'est tellement violent, là, Cyrax, c'est ça, Cyrax, le ninja jaune, là, imagine, versus, je sais pas, moi, Raiden, tu sais, un dieu versus l'autre espèce de machine diabolique, tu sais, ça va être, là, fou raide, là. Moi, ce que j'espère pour la série, c'est d'avoir un Fatality. Ouais, hein? Oh. J'en veux un vrai Fatality, tu sais, ben gory, ben dégueulasse. Moi, je veux un Friendship. Un friendship. Un babality. Vous l'avez vu, le Nickelbackality? Oui. C'est comme le meilleur finishing. Tu t'en sors jamais, tu sais. Non. Moi, je voulais parler du preview qui est sorti du jeu de Deadpool. Oui. Moi, je suis un méga fan de Deadpool. Là, ben vraiment. Oui. Puis je trouve le jeu, il a de l'air cool. Oui. Dans Marvel vs. Capcom, dans ce jeu-là aussi qui va sortir, j'arrive pas à me faire à l'idée de la voix de Deadpool. Mm. Deadpool, là, en dessous de son saut, là, il est brûlé, il est tout con. Il est un, défiguré, il est totalement. Un mutant, là, il est complètement défiguré. Ah ouais, okay. À grandeur du corps. Ouais, dans ma tête, sa voix a toujours été un peu comme ça. Un peu t'sais, Freddy, là, un peu, non? Oui, oui, un peu, parce qu'il est scrap, tu sais. Il a eu tough, là. Mais là, il est comme oh oh là là là là. Ça, on dirait que ça marche pas, tu sais. J'arrive pas à m'y faire. Mais, mais bon. Moi, tu sais, j'ai jamais lu le comic book. Puis à toutes les fois que je vois une image sur Internet, c'est tout le temps comme une joke Deadpool. Fait que je l'imagine tout le temps un peu. Ouais, mais je l'entends un peu comme ça. Aussi, moi, ouais. Je l'entends ben, même. Deadpool, je l'entends comme un gars qui des déconne. Jokes dans il déconne sans arrêt. Chaque case est une joke dans le comic book. Fait que c'est ça, moi, c'est ça qui fait le personnage. Correct, on l'appelle le Merc with a Mouth. Merc pour Mercenary. Fait que pour ça, t'sais, il garde puis il déconne toujours. Puis même dans le vidéo, tous ses moves qu'il fait, ses killings, il y a tout le temps des jokes au travail. Ouais. Il tue du monde en chantant. Il tue du monde pour vrai, puis il coupe des têtes. Là, là. C'est, lui, il en fait pas de cas. C'était vraiment fait un truc de Mortal Kombat. Ouais. Lui, il en fait pas de cas de décapiter du monde. Puis c'est vraiment ça. Je trouve qu'ils l'ont bien. Mais on voit pas vraiment le gameplay, par contre, dans le jeu. Ben ouais, on voit. C'est un third person. C'est un third person. Ok, c'est ça, j'ai pas remarqué, mais je voyais pas ce qui était en guillemets cinématique, puis ce qui était gameplay. C'est ça, j'avais l'impression que c'était plus cinématique. Ouais, moi j'ai remarqué plus le cinématique que le gameplay. Mais, puis le site web, il est cool. Tout est cool autour de ce jeu-là. Il y a un de nos fans qui a écrit, genre, malheureusement, c'est Activision qui le fait. Moi, je suis pas assez calé en jeu récent pour savoir si Activision font juste de la merde. Je pense, comme une grosse campagne de haine envers Activision. Moi, j'arrêterai pas de jouer à leur jeu, là. C'est un publisher Activision, puis il y a de la merde autour d'eux autres, mais là. On n'arrêtera pas de jouer à leur jeu à cause de ça. Ouais, là. C'est ça. OK. Il y a entre autres, je pense que c'est ça, c'est Frank qui est vraiment là. Il est plus capable. Lui, il dit qu'il payera jamais pour un jeu d'Activision. Là, OK. Il y en a tellement des bons. Galaxy 5000 au NES. Ouais. Non, j'arrêterai pas pour ça. Là. Puis, tu sais, Deadpool, ce qui est le fun aussi, c'est que le communiqué de presse, c'est Deadpool lui-même qui lit. Ouais. Aux médias, ça, je trouve Comic-Con, ça génial. Disons, c'est lui qui parle en... Au Comic-Con, c'est lui qui parle pour dire tout le communiqué. Parce qu'on le voyait dans un show. Vraiment, ou... Oui. Okay. Ah, il y a vraiment un personnage, tout ça. Ils ont développé vraiment le marketing parfait pour les fans de Deadpool. Puis les fans de Deadpool, moi, je connais pas vraiment le comic book, mais l'écho que je vois sur Internet, c'est que c'est dead on, là. C'est direct dessus, c'est exactement ce que les fans veulent. C'est un personnage qui peut briser le quatrième mur. Il est conscient qu'il est un personnage de BD. On le voit, ça, c'est un point important dans le trailer du jeu, c'est que il parle, tu as des bulles qui voit, qui lui parlent. C'est un peu le côté ange, démon, chacun sur une épaule. Donc, il y a cet aspect-là dans la BD, genre que j'ai hâte de voir comment ils vont l'intégrer dans le gameplay. Parce que si, mettons, je peux attaquer des gars puis je peux littéralement pogner une case puis fendre du monde ça avec, ça pourrait être quoi? Puis c'est Deadpool. Si tu es dans Marvel vs. Capcom, il pogne la live bar puis il assomme quelqu'un avec. Mais ça, moi, là, quelle bonne idée. Je trouve ça brillant parce que c'est un personnage qui est conscient qui est un personnage de BD. Pourquoi il serait pas conscient qui est un personnage d'un jeu vidéo? C'est hot, c'est vraiment très cool. Ah, c'est cool. Mais si je peux vous suggérer une série dans laquelle Deadpool est, c'est pas le personnage principal. On a parlé à l'émission, ça s'appelle Uncanny X-Force. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est une escouade dans laquelle t'as Psylocke, Archangel, Wolverine, Deadpool, puis Phantom X, qui est un personnage qu'on connaît un petit peu moins. Okay. Leur mission, c'est de sauver les... de faire des attaques un peu à la d'élite. C'est une escouade dark. Ils ne répondent pas des X-Men. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tuer. Ils vont buter du monde, genre. Okay. Puis Deadpool est dedans, puis son excentricité là, certaines fois dans la série on comprend qu'il est conscient qu'il est un personnage, mais c'est très très très low file. Mais c'est une super de bonne série, vraiment extrêmement violente. Uncanny X-Force, c'est malade, c'est une des meilleures choses que j'ai lues dans les dernières années, au niveau commercial. Puis toi, Ben? Ben moi, c'est Injustice, qui est un jeu de combat. Je suis pas un gros fan de jeux de combat. J'ai eu de la misère un peu à mémoriser. Genre, je fais trois moves en arrière, A+, puis ça fait juste un coup de poing qui tourne un peu plus vers la droite. Puis dans cette situation-là, l'autre, j'ai pas de patience pour ça. Je finis juste par taper tout. Mais Juste au niveau, c'est le vidéo que vous avez mis qui est une quinzaine de minutes avec un des créateurs, d'ailleurs, un des développeurs de Mortal Kombat. C'est Ed Boon, le créateur de Mortal Kombat, qui est derrière ce projet-là. C'est ça, on voit qu'il commande d'ailleurs la bande-annonce. On a du stock, 15 minutes quand même, pour regarder les différents niveaux. On a deux. On a la Batcave et on a une espèce de niveau de ville que je suis pas trop sûr où est-ce qu'on est. Je pense pas que c'est Metropolis à cause des voitures qui volent, là. Mais ça m'a donné le goût de juste voir où est-ce que ça s'en va. Ouais. L'idée qu'on pouvait littéralement comme arracher le décor pour aller massacrer ton adversaire, qu'on peut contrôler des héros, puis d'utiliser chacun. Ils ont deux classes à date, ceux qui ont des gadgets, ceux qui sont plus la force brutale. En tout cas, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Ça m'intéresse de voir où est-ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire avec ça. Mais c'est certainement un jeu que si je loue ou j'achète, c'est plus pour le trip du comic book guy. Ouais, c'est ça, ouais. Je jouerai pas nécessairement à me rendre jusqu'à la fin. Mais non, parce que l'achat c'est Superman, il pogne, je me souviens plus contre qui il se bat, mais tu vois Superman qui pogne le bonhomme, qui garnote dans les airs jusque dans le ciel, qui s'en va dans le ciel, puis qui le regarde en bas. Ça, c'était écœurant. Ouais. Des cutscenes comme ça, c'est vraiment cool. Puis moi, il y avait le fait que le tableau est vraiment divisé en plusieurs étapes. C'est ça, tu peux évoluer littéralement dans le tableau. Puis c'est ça revenir en arrière. Manque d'un jeu de combat. Puis il avait commencé un peu à tâter ça avec DC versus Mortal Kombat. Il avait commencé à jouer avec ça, puis c'était pas tout à fait réussi, mais ça serait le fun là, que cette fois-là, tu sais, quand tu fais un combat, tu sais que t'as comme 3 ou 4 étapes de tableau, que tu te retrouveras jamais dans la même place dans ton tableau. Puis c'est un peu comme on revient à Sonic Spinball, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que t'explores tes tableaux, voir où ça t'amène, qu'est-ce qui peut. Parce que justement, dans la Batcave, tu pouvais envoyer ton ennemi à un niveau plus bas où t'as justement le Batboat, mais tu pouvais le renvoyer dans l'ascenseur, lui péter à elle, remonter au premier niveau, utiliser les gadgets de Bruce Wayne qui revolent un peu partout, appuyer sur un bouton pour lancer des missiles grâce à la, je pense, la Batmobile. C'est tellement cool, la Batmobile est garée là, il envoie des missiles. Le niveau, puis ça, c'est ce qui m'avait déçu de ce que j'avais vu de Batman Arkham City. Le niveau de la Batcave semble beaucoup plus vaste dans Injustice, c'est vrai. Ce qui n'est pas le cas dans Batman Arkham City. Non. On comprend que c'est un jeu aussi de défense, aussi, peut-être, c'est normal, mais justement d'explorer la Batcave qui est vaste dans les comic books, qui est vraiment immense, où tu peux, t'as plusieurs niveaux. On a toujours l'impression que c'est tout petit, la Batcave. Ça dépend de l'incarnation, mais je te dirais que dans les comic books des dernières années, t'as beaucoup de stock. T'sais, comme toutes les Batmobiles que tu as vues dans les comic books, dans les films, tu vas les retrouver, ils sont tous alignés, ils sont tous là. Cool. Le gros dinosaure, la grosse scène, la carte du Joker. Ouais. Si tu peux trouver ça dans un jeu comme Injustice, puis ça, c'est deux tableaux. Puis même le tableau que je suis moins familier, m'intéressait, j'ai hâte de voir le reste. Solomon Grundy qui va être là. Puis le monde, tu sais, je veux dire, les geeks, excusez-moi, anal, disent, mais Superman ne peut pas se battre contre Batman parce qu'ils vont trouver une façon scénaristique de l'incorporer. Puis après, c'est pas grave. C'est juste l'idée de contrôler ton personnage préféré. Puis on voit qu'ils basent les designs des costumes sur ceux qui sont en vigueur depuis le reboot en septembre dernier. Donc, on DC encore qui tape sur le même clou. Je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement mauvais, mais on va dans quelque chose de plus moderne qui ressemble plus à des armures. Même Superman, c'est pas des collants nécessairement. Moi, je suis un fan des collants. Là. Je suis un petit peu, parce que ça, c'est mon truc. Là. Les armures modernes sont pas ma tasse de thé, mais overall, comme dans l'ensemble, ça semble être une. En tout cas, au niveau graphique, une réussite. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir. Ça m'intéresse. Ouais, moi aussi. Hey, moi, un jeu que j'attendais depuis un méchant bout sur la 3DS, c'est Ridden Thief and the Emperor's Treasure. C'est dur à dire, Emperor's Treasure. Emperor's Treasure. C'est dans le fond le voleur de rythme et le trésor de l'empereur. Puis en plus, en français, c'est même pas ça le titre, c'est Ridden Thief et les mystères de Paris. The Reckoning. De Paris, ok. Ouais, The Reckoning. Fait que c'est ça, dans Ridden Thief, on incarne le rôle de Raphaël. Raphaël, c'est un gars qui, le jour, ça paraît pas, il a l'air d'un petit gars bien normal, mais la nuit, il a une double identité, puis il se met un petit chapeau puis un veston, puis là, il est Fantôme R. Fantôme R, c'est un gars qui va dérober des peintures à Paris, dans des grands musées, puis qui va les enlever pour une nuit, puis les remettre le lendemain. On comprend pas trop pourquoi au début, Puis là, finalement, on s'aperçoit que son père l'a laissé. Puis qu'il essaye de savoir où est rendu son père. Il essaye de découvrir ça. Puis son père, il a laissé une pièce avec un icône dessus. Puis il se dit qu'il y a probablement un lien avec ça. Puis là, c'est comme une grande quête. C'est comme Rémi sans famille. Il y avait une émission à Radio-Canada quand on était jeune, que c'était exactement la même prémisse, mais c'était des sœurs. Oh. Ils volaient les tableaux de leur père pour essayer de le retrouver, mais là, j'ai un blanc de mémoire. Ah, ouais. C'était japonais, ça, c'est sûr. Okay. Mais c'était la même chose. C'était la même prémisse. Wow. Ah, c'est comme un flash. Là. C'est peut-être un vol de Sega. c'est clair. Mais c'est ça, bref. Rhythm Thief, c'est sur la 3DS. C'est Sega qui ont fait ça. Puis c'est un jeu de 40$. Puis c'est un jeu de rythme. Mais l'affaire qui est bizarre dans ce jeu-là, c'est que on te donne l'impression, quand tu regardes la bande-annonce, que c'est juste un jeu de rythme. Ouais. Pourtant, il n'y a pas juste un jeu de rythme là-dedans. Des fois, tu vois ta 3DS sur l'écran d'en haut, tu as une carte, puis tu vois des endroits où il faut que tu ailles. Dans l'écran d'en bas, tu vois la place où tu es, qui est comme faite un peu comme un point and click. Fait que tu as l'image de la place à Paris où tu es présentement. Puis tu tapes sur l'écran pour trouver des choses, pour parler aux gens. Fait qu'il y a comme un côté un petit peu RPG, si on pourrait dire, au jeu, puis un côté rythme. Le côté rythme, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de variations dans le jeu. Ouais, chaque écran que je vois depuis tantôt est différent. Il se passe tellement d'affaires. C'est ça qui est le fun. Il y a une belle utilisation du stylet dans ce jeu-là pour pouvoir faire les mouvements. Parce que des fois, on va te dire, quand tu es sur le beat, il faut que tu t'envoies à gauche, à droite, en haut, en bas. Des fois, tu as des boutons à l'écran. Ça, c'est pas juste taper. Tu fasses des mouvements. Faut que tu fasses des mouvements. Puis des fois, tu as des boutons dans le bas de l'écran sur lesquels il faut que tu tapes. Des fois, tu pèses avec tes boutons, avec le A, avec la croix. Ah ouais, cool. Tu combines avec le stylet aussi. Oui, exactement. Il y a même une partie du jeu à la fin, vers la fin, où il y a un policier, un enquêteur qui tire des amis. Puis tu le fais avec les gâchettes L et R. Sur le B, tu tires. Fait que le jeu, pour ce qui est des jeux de rythme, ça se réinvente tout le temps, tout au long du jeu. Moi, c'est ça que j'ai apprécié le plus dans ce jeu-là. Je me suis dit, il y a une certaine répétition parce qu'évidemment, ces épreuves-là reviennent quand même à certaines, peut-être à deux ou trois reprises chacune avec différents backgrounds. Mais quand même, il est très inventif dans sa façon de faire. Graphiquement, c'est très beau, c'est très intéressant. Ben, c'est super beau. C'est très manga aussi. Oui, on dirait qu'on regarde un manga. Quand c'est ça, c'est très manga. C'est bon que tu le dises parce que en plus de ça, entre les scènes, les tableaux, il y a des bouts de films vraiment dessinés, manga. C'est vraiment une vraie animation. Comme des travelling de dessins, d'illustrations. Mais mieux que ça, c'est un dessin animé. Okay. Ils ont vraiment fait un dessin animé qui est en 3D. Puis la 3D est très belle, très intéressante. T'sais. D'ailleurs, les images que vous voyez là sur l'iPad, c'est vraiment des images seulement du jeu de rythme. Mais c'est ça. Le gros côté RPG... ce qui est plate, c'est que ça baisse justement le jeu de mots, le rythme du jeu. Ah ouais? T'sais, je pensais que ça rajouterait, moi. Ben, ça rajoute, mais tu finis par te tanner parce que dans ce jeu-là, entre autres, il y a une monnaie que tu dois avoir pour acheter certaines choses, pour acheter des objets qui vont te permettre justement de te donner des chances quand tu vas jouer à un jeu de rythme, comme, mettons, si je suis rendu à la fin, donne-moi une vie, ben ça coûte, mettons, 5 pièces. Okay. Ces pièces-là, tu vas les trouver en tapant un peu partout dans l'écran. Fait que ce que tu trouves à faire, c'est qu'à, mettons, je suis devant les Champs-Élysées, là, puis là, je tape partout sur la roche des Champs-Élysées pour essayer de trouver des scènes. OK. Ça devient fatigant à l'ombre. Il doit avoir passer à l'autre étape. Là. C'est ça. Tu peux pas prendre ton gros pouce gras puis passer sur ton écran. C'est ça. Puis tu sais, il y a tellement de dans les jeux de rythme, tu sais, tu fais tellement d'affaires, tu bouges même ta 3DS. Ah ouais, avec le gyroscope? Ouais. OK. Fait que tu sais, t'as tellement de trucs à faire puis c'est tellement rythmé, t'es comme yes, yes, yes, là après ça. Puis là, il faut que tu gosses. Puis là, tu gosses. Ouais. Tu lis du texte avec la fille qui, non plus, elle, trouve plus sa mère. Puis là, tu te demandes c'est qui. Puis il y a un autre petit gars aussi qui trouve plus son père. Puis là, tu comprends pas. Puis là, tu essaies de les comprendre. Puis l'histoire est intéressante, mais en même temps, on se perd dans cette histoire-là. Tu veux juste aller taper quelque chose. C'est ça. Rendu, il y a 10 chapitres dans ce jeu-là. Puis je te dirais que rendu au 6e chapitre, là, j'en avais ma claque, là, vraiment, d'histoire, là. Fait que je pesais sur mon bouton, là, pour partir, pour enlever toutes les formes de, toute forme de texte. Puis tout ce que je regardais, c'était les, vraiment les films d'animation qui sont très bien faits, okay, qui racontent très bien l'histoire aussi. Fait que j'ai comme pas les entre-deux, mais jeu de rythme hallucinant. Il y a aussi des mini-jeux qui sont vraiment bien, ouais, faits. Mettons que t'as besoin d'ouvrir une porte, tu vois que y a, tu vois des tu vois des boutons qui pop un peu partout, puis là finalement ça fait comme ding ding ding ding ding ding ding ding, puis là au moment où ça fait ta dernière note, faut que tu pèses à l'écran, tu sais, des petites choses comme ça qui vont varier le jeu. Super intéressant, hein? Un bon jeu qui dure 6 heures environ. Ah ouais, toi? Si t'es comme moi puis que ça va bien, faut que t'ailles du rythme, évidemment. Le jeu, il est-tu découpé en morceaux au sens que tu peux recommencer n'importe quelle section, n'importe quand pour améliorer ton score? Ou c'est vraiment, tu le fais d'une traite? Non, tu le fais d'une traite. Okay, après ça, par contre... save à chaque événement, dans le fond. C'est ça, exactement. Sauf qu'après ça, tu peux refaire certains jeux toi-même. Tu sais, tu peux les refaire à partir du menu, mais veux pas, une fois que t'as commencé l'histoire, t'as pas le goût de revenir au menu puis de faire ces choses-là. Mm-hmm. Puis aussi, le jeu, une des affaires que j'ai trouvé, que j'ai trouvé vraiment plate, j'ai comme un blanc là-dessus, c'était que... Ah oui, c'est ça. C'est que dans le jeu, une des affaires qui est plate, c'est que tu peux pas... Hey, merde, attends une minute. Tu t'en souvenais, papa. Hey, je m'en souvenais. C'est ça, tu t'en souvenais. C'est ça quand ça arrive, ça. Je m'en souvenais, une minute, là. Il y a une affaire super importante en plus. Non, pas sauvé. Ah, c'est ça. C'est que le score que t'as, ouais, dans le jeu, c'est, admettons, là, tu finis une épreuve de rythme, puis t'as un D. Mm-hmm. Bon, c'est pas grave. Tu vas avoir un A, un B, un C, un D. Ça n'a aucune influence. Ça te donne pas vraiment c'est plus pour toi, de mettons, points, ouais, plus d'argent. C'est ça, c'est vraiment plus pour toi pour faire comme « Ah, je suis bon ». Mais tu peux être pourri tout au long du jeu. Tu vas quand même continuer l'histoire, donc il n'y a pas de répercussions. Mais peux-tu mourir comme tel? Oui, tu peux mourir. Si t'es pas bon et tu manques les coups et tu te fais tout le temps frapper, tu peux mourir. Donc, il y a ça, sauf que tu peux tout le temps réessayer sans arrêt. La musique est excellente. Fait que vraiment, en gros, le jeu, c'est vraiment c'est un bon achat. Moi, je l'attendais. Je suis vraiment pas déçu. Présentement, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que Nintendo a une drôle de stratégie, tu sais. Final Fantasy Theater Rhythm, mm-hmm, qui est un jeu de rythme un peu dans le même genre, est sorti en même temps que Rhythm Thief, puis il n'y a aucune autre sortie présentement. Mon Dieu. Fait que t'as pas le choix de jouer à un jeu de rythme présentement. Fait que tu sais, si t'avais à choisir, je te dirais que Final Fantasy est plus RPG, ouais, puis que lui est peut-être plus fait pour les gens qui veulent juste un bon jeu de rythme. Ouais, ouais. Puis même si c'était pas Guitar Woman, qui est possiblement mon meilleur jeu de rythme, j'ai vraiment adoré ce jeu-là, puis je le conseille à tout le monde. Là. Wow. Super bon. Arr! Arr! Le rot sortait pas. Ouais, ton rot, il était mais moins mal que ton arr. Qu'est-ce que tu veux? On va me reprendre tout à l'heure avec un méga rot. Donc, Et là, tu parles pirate. Je parle pirate, mesdames et messieurs. Le jeu que j'ai parlé en intro, oui. Dead Storm Pirates. Yes. C'est une arcade que j'ai essayé à Old Orchard Beach, Palace Playland. Et puis, c'est un jeu de Namco Bandai. Ouais. C'est drôle, pareil. T'sais. Moi, j'arrive à l'arcade, je vois, clac, Namco Bandai. Hein, t'sais, c'est les, ouais, jeux qu'on joue. T'sais. Le monde, ils font encore des arcades. Ouais. Moi, il n'y en a pas d'arcade au Québec, nulle part. Là, je vois là, je me rends compte que les compagnies développent vraiment, ah oui, des arcades. Mais Konami, Namco, c'est encore des gros participants là, dans les arcades. Ah ouais, là, au Japon, c'est huge. Là. Ah ouais, ici, c'est rien. Ça me fait tellement peine. Je comprends pas. Hein. Pourquoi on n'a pas de vie comme les Japonais, là? Ce serait fun. C'est clair. Ça, ils ont d'autres problèmes. Ouais, okay. Ils ont d'autres problèmes, c'est vrai. Fait que cette belle arcade-là est sortie en 2012. Oui. Et puis ça coûte une pièce US la game. Et tu continues. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Je l'ai fini, là. Puis je peux facilement te dire que j'ai pas mal mis 15$ là-dedans, là, je pense. OK. Là, parce que tu meurs, tu sais. Ah ouais, c'est mais, sûr. En tout cas, ben, 15$, pas trop pire. C'est comme si t'avais payé 15$. Le jeu. Ouais, ben, payer le jeu. Ben, payer le jeu, admettons que c'est un download. Ben, si, il sort. Ah ouais, en download, ouais, c'est un download, 15$. Ben, j'aimerais ça rejouer. Ben, il y a le fun, justement. Je l'ai essayé, ouais, plusieurs jours. Puis là, à ma dernière journée, je me suis dit, ah non, je peux pas ne pas finir ce jeu-là. Puis je vais le critiquer. Fuck le budget. On dépense à ce jeu. On peut pas manger à midi. Ben, ou... ouais, ouais. Papa, ça, c'est pas faim. Bon. Je suis juste un sort virus. Non, mais c'est un jeu de tir. Puis c'est dans un gros cabinet. Dans le fond, je sais pas si Jeff, tu le vois en arrière. Non, parce que t'as mis tes notes en avant. Ouais, il va leur sortir. Ouais, c'est pas mal binaire comme cabinet. Hein? Voilà le cabinet en question. Il donne le goût, hein? Ouais, mais on dirait un autobus de courtoisie. Ah, c'est vraiment ça que c'est comme un petit autobus de parking dans l'arcade. Puis, ce qu'il y a de cool dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de tir à deux personnes. Il y a deux guns. Mais c'est pas des guns que tu tiens dans tes mains, ils sont attachés au board. Okay. Tu les tiens à deux mains comme ça, tu sais, puis là, tu le promènes de main. C'est comme les rattling guns. Tu les lèves pas dans les airs, ils sont vraiment, tu fais juste les tourner comme ça, les lever, les descendre, les tourner de gauche ça, à droite. Ça, t'as pas un mousquet, je pense, c'est ça. Non, là, c'est vraiment une mitraillette. Un poudre à canon. La forme du gun n'a pas vraiment rapport avec l'air des pirates. Il tire du mauve depuis tantôt. Là. Je pense pas qu'il y avait ça dans l'air des pirates. Non. Mais il est cool le gun parce que quand tu gardes ton doigt sur le bouton tout le temps, tu sais, puis ça tire en malade. T'as un méga bon feeling de tir. Puis dans le milieu, entre les deux guns, t'as une. Comment ça s'appelle? Un volant pour conduire les bateaux, là. Ben, pas le gouvernail. Juste parce que Un gouvernail, c'est ça. Le gouvernail, il est dans l'eau, là. C'est la palette en arrière. Non, pas gouvernail, c'est. Prends la. Juste parce que tu l'as dit. La roue. Ouais. La grande roue. Ouais. On va appeler ça la roue. C'est laid, on sait que c'est pas ça. Le volant, c'est un volant. Il y a un volant de bateau entre les deux. Puis t'as des séquences où est-ce qu'il faut que tu te serves de ça. Tu vas avoir, mettons, une collision avec un autre bateau. Fait que là, il faut que tu vires ton volant en malade, tu sais, pour que ton bateau, il tourne puis qu'il est vite. Fait que là, tu roules puis il faut que tu tiennes ton gun en même temps. Ça alterne. Là, ils te le disent, tu sais. C'est comme wheel action. Là, tu lâches ton gun, tu t'embarques sur le volant. Et puis il y a d'autres sections où est-ce que t'es vite. Le gouvernail. Gros. C'est un gouvernail, mais il a dit tantôt. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est un gouvernail. C'est ça. Je sais pas. Mais je cherchais ça. J'écoute plus ce que tu dis. Je veux juste penser à ce que c'est. C'est en sac, là, au pire. Non, ben là. C'est important. Bon, check ça, toi, d'abord. Ouais, je check ça. Vas-y. Puis, qu'est-ce que je disais, donc? C'est ça. Donc, je trouvais que c'est un bel ajout au jeu, tu sais, de pas juste tirer, mais aussi de chauffer un peu, là. Ouais. Puis, le jeu, oui. Tabarnouche. Non, mais je veux dire, ça, c'est quoi? Ça tire en malade présentement parce qu'il a pogné un power-up. Mais malheureusement, il dure pas longtemps, mais il est tellement satisfaisant. Il a l'air le fun, hein? Le jeu est séparé en 5 tableaux. Ça commence avec le premier, t'as pas le choix, c'est le Stormy Sea. C'est comme la mer fantôme. Il y a des bateaux de pirates qui t'attaquent. Deuxième, c'est une cave. Troisième, une montagne. Une montagne avec des genres de rivières au travers que tu descends en chaloupe là, très rapidement. Après ça, c'est un genre de tourbillon, tornade dans l'eau. OK. Avec un méga kraken dans le milieu. Ah, release the kraken. Release the kraken. Puis à la fin, c'est une montagne avec le boss de fin. OK. Puis c'est ça, chaque tableau a un boss très, très, très épique. Là, dans, genre bateau fantôme. Un gros serpent géant, genre qui court après. OK. Un crabe géant, un giant kraken aussi. Puis. Tout est géant finalement. Tout est géant. Puis les des alliés aussi, je pense, c'est ça? Ouais, ça c'est. Dans le fond, l'équipe, t'as un équipage, t'as toi, puis une fille qui sont comme beaux, là, tu sais, puis cool. Puis chacun d'eux ont un golden gun. C'est ça, le truc de l'affaire. Je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent ces golden guns là, mais nous autres on a ça, les golden guns, ça tire en malade. Fait qu'avec ça on part à la conquête pour trouver le cœur de Poséidon. C'est un genre de un rubis là, une affaire. Je sais pas quoi ça sert, ça te donne du power. C'est très Pirates des Caraïbes. Ouais, ça fait un peu Pirates des Caraïbes. Hey, passant dans ta face, Papa Cassette, un gouvernail, c'est vraiment le. C'est vraiment ça. Raison. Ah ouais? Mais t'avais raison aussi d'abord. J'avais raison aussi. Mais tu peux aussi appeler ça une barre de roue. De la gouvernail. Barre. Une barre de roue. Il me semble à la barre, là. Ouais, ouais. À la barre, ouais. À la barre, on entend souvent ça, là. Mais tu sais, gouvernail de bateau, ça te donne ça. Bon. Parce que je pense que les deux font partie du même module. Ils sont attachés ensemble. Ça paraît qu'on connaît bateau. Tu veux, on parle jamais de bateau. On parle de la fin de semaine. C'est pas ça. Fait que, bon, puis chacun des tableaux est sur rail, dans le fond. Ça avance tout seul. Puis, t'as des... C'est stressant. T'es là-dedans, ouais, là. La musique ça, est dans stressant. Le fond. La cabine shake, ton gun c'est ça, shake. Ça shake-tu quand tu élimines cool des. Ouais, ouais, quand tout ce qui explose fait shaker. Puis c'est tout le temps des attaques de pirates squelettes, là, dans le fond. Puis des crabes possédés. Puis c'est très devil, là, tout ça. Oui. Chacun des tableaux est quand même très long. Puis c'est vraiment pas répétitif là. Ouais, ouais. Les tableaux sont séparés par bout que justement tu conduis toi-même ton embarcation qui okay. descend. Après ça, whoop, tu te ramasses à pied. Ouais, après ouais. ça, tu rembarques, ouf, tu te fais garrocher ailleurs. Puis c'est juste l'action, de l'action, de l'action là. Tu sais, je sortais de là, j'avais chaud. Hein, j'étais sueur, là. Ça me dégoûtait sur le chest. Faut dire qu'il fait chaud dans ces arcades là. Ouais. Mais non, c'est puis les boss de fin, tu sais, quand le serpent il ouvre la gueule pour venir te donner une shot là, c'est... la gueule elle prend tout l'écran. C'est là, ouais. c'est là le serpent. Ouais, ouais, on le voit bien là. C'est non, c'est vraiment intense. C'était cœur, hein. Ouais. Puis il y a des petits trucs au travers du jeu. Des fois, il y a des coffres que tu choisis. Mettons, il y a trois coffres, tu tires sur celui que tu penses que le bonus est dedans. Oui. C'est très rare qu'on réussisse à l'avoir, malheureusement. C'est de la life de plus, tu sais. Oui. Tu pognes un power-up, comme on disait tantôt, très satisfaisant, ça tire en malade. T'es quasiment invincible quand t'as ça, mais il dure tellement pas longtemps. Tu fais du 360 là-dessus, hein? Oui. Comme oui. tu roules en masse. Ouais, ouais, là, on le voit, il conduit, là. Faut que t'évites les affaires, mais très rapidement. Puis, quoi d'autre? Les cinématiques aussi. Il y a, ouais. il y a beaucoup de cinématiques à travers le jeu. OK. Ça le rend vraiment intéressant. T'as vraiment une histoire, là. Ben, léger, là, mais ouais. Tu l'écoutes quand même parce qu'il y a des petits twists, puis tu fais pas un film avec ça. Mais ça fait partie de l'expérience d'écouter les puis au prix que tu payes, là, ben parce oui. que tu meurs tellement, là, vraiment, là, à une pièce de la game, là, ça coûte très cher. Mais c'est cool. Moi, je rejouerai ouais. tout de suite demain. À chaque jour, j'ai joué, en fait. Okay. Puis je me suis décidé de le finir un moment donné. Puis il y avait tout le temps du monde dedans. Puis à deux aussi, c'est vraiment intense. J'ai joué avec mon père qui n'a pas beaucoup d'expérience en arcade. Mais tu peux comme croiser le jet. Oh, croiser les effluves. Comme il y a... oui, c'est ça. Là, tu tires plus fort dans ce temps-là. Donc, c'est ça. Ben, cool. C'est pas grand-chose de plus à dire ouais. sur ce jeu-là, mais... Ne faut jamais croiser les effluves, ouais. seulement à Old Watchers. À Old Watchers. Ouais, seulement Old Watchers. Non, mais c'est un jeu génial. Si vous passez dans une arcade, c'est sûr, il faut essayer ça. On s'en va en musique avec la musique de Mega Man 2, un classique. Premier jeu qui fit dans notre... Non, comment ça? Premier jeu de Sonic aujourd'hui. Yes! Sonic Spinball oui. au Genesis. Un jeu que probablement vous avez tous joué. Oui. Pas juste vous deux, mais tout le monde en général. Ah, tout le monde. Sorti en 1993 au Genesis. Oui. Et sorti également au Game Gear et au Sega Master System en 95. 2 ans plus tard. Ouais. C'est drôle, ça, pareil. C'est très drôle, pareil. Ils l'ont refait en 8 bits après l'avoir fait en 16. C'est bol. Mais moi, c'est. Mais c'est y a-t-il des jeux de Super NES qui ont succès. Fait ça, tu sais? Ben, tu sais, comme je pense entre autres à Dragon's Lair, ouais. Qui est un jeu d'arcade, un gros jeu, puis ils l'ont sorti au Game Boy Advance. Ils l'ont comme tout refait. Mais ils l'ont fait au NES, puis ils l'ont fait aussi ils l'ont fait en Super NES, tout ça. Mais tu sais, ils ont fait la version d'arcade. Fait que ça arrive des fois de de downgrader pour permettre aux gens de subir la même expérience. C'est quand même un bon jeu, c'est qu'ils ont dû dire on va mettre un bon jeu sur le Game Gear. Ouais, c'est ça. Au moins un bon jeu sur le Game Gear. Il y avait peut-être une mission de mettre tous les jeux de Sonic. Je voulais aussi dire qu'il est disponible sur la Virtual Console. Ah, sûrement. Je l'ai. J'ai même pas regardé. Ah, je l'ai sur la Virtual Console. Je me suis rafraîchi la mémoire. Ben, de toute façon, c'est vraiment pas dur à trouver si vous avez un Genesis aussi. Pour vrai? C'est très, très, très commun. Ah, ouais. C'est comme pas un jeu que le monde a gardé, justement. Non. Ben, parce qu'il est bizarre. Très commun. Ils en ont tellement imprimé. Là. Mais j'ai vu aussi que tu peux le terminer en 10 minutes. Fait que... Hein? Tu peux le terminer en 10 minutes? Ouais, ben, d'ailleurs, les images que j'ai vues tantôt me disaient que c'était ça. 10 minutes 51 pour terminer. Jamais réussi avant. C'est moi non plus. Au deuxième tableau. Moi, je me suis juste rendu au deuxième tableau. Moi. Hey boy. Bon, on va en parler. Ben, on va en parler. Les tableaux, dans le fond, il y en a quatre. Le premier, c'est les sewers, les égouts. Deuxième, c'est une station géothermique. Après ça, troisième, une usine de robots. Quatrième, un launch pad system. Je suppose que Robotnik il veut lancer des missiles. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, c'est Robotnik qui il a une île, il est sur une île, puis il transforme des petits animaux en robots. C'est Robotnik. C'est Robotnik. Comme dans toutes les Sonic. One track dans le fond, mind. C'est Sonic et Tails qui s'en vont en avion vers l'île, tu sais. Mais là, Tails crash l'avion. L'avion crash, Sonic tombe dans l'eau, puis il se ramasse. Ouais, on n'est pas sûr si Tails meurt au début du jeu. C'est ça. Une très belle intro, par contre. Oh, l'intro est super belle. Puis pourquoi est-ce qu'il vient pas, Tails? Tu sais, il fait quoi pendant que Sonic crash? Il chill, il attend. Oh, ouais, c'est ça. Sonic fait la job. Il est c'est vraiment... un petit crotté, il abandonne totalement. Il part juste à la fin pour la photo. Oui, c'est ça. Fait que c'est un jeu de pinball, et puis... Ouais. C'est un jeu cool, parce que c'est pas en isométrie, c'est vraiment vu... Ben, c'est, en plongée. C'est en plongée. En vertical. Hein, ouais. Ouais. Puis c'est un jeu qui mélange le jeu de pinball et aussi, t'as du petit. Ben, pas du platforming, là, mais du. Attends un peu, c'est quoi ce bruit-là? Oh shit! Oh, non, on est couvert! L'hélicoptère! Attends, je vais fermer la porte. Ça y est, viens de chercher Benoît. Dans le gâteau, où est-ce que j'habite? Le laboratoire! Il y a des ghetto birds. Savez-vous, si vous écoutiez du gangster rap, des hélicoptères de police, c'est des ghetto birds. Des ghetto birds, wow! Il y a une tune de Ice Cube sur Lethal Injection, des ghetto birds, qui est également dans le film Menace to Society au début. OK. Et puis, écoute, je connais mon G-rap. Puis, les ghetto birds, man. Il y a des ghetto birds. Hey. Watch out. Du swag puis du knowledge. J'ai du street knowledge, Max. Puis c'est ça, dans le fond, il y a des petits bouts où est-ce que Sonic il marche à pied puis qu'il choisit des directions, ou des fois il embarque dans des petits wagons qui le font aller à d'autres places. C'est des jeux de plateforme, là. C'est vraiment un jeu de plateforme. Un petit mixé peu de plateforme. Mais ce platforming-là, il te sert de passer d'une section de la machine à l'autre section de la machine, en fait. T'sais, c'est jamais que tu vas jouer là, en platforming, comme tu fais juste comme traverser. C'est transitoire. Hein? Pourtant, ça serait un bon mix, tu sais, de le faire plus si long, de plus faire le platforming plus long, là, avec du pinball. J'ai l'impression que ça serait un bon mix parce que c'est comme un fit parfait, je trouve, la machine à boules avec Sonic. Parce que ça arrive souvent dans les jeux de Sonic où tu te retrouves dans une place où il y a tellement comme de petites trampolines pour te faire rebondir à gauche puis à droite. C'est clairement là, d'ailleurs, où ils ont eu leur inspiration, c'est clair. C'est ça, les niveaux de Vegas. Les niveaux de casino de Vegas, c'est vraiment ça quand même. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Mais vous êtes donc bien intelligents, les gars. Puis c'est ça, les tableaux sont divisés. La machine est divisée en vraiment beaucoup de sections. Ouais. Tu commences, t'as une section, là, faut que t'ailles faire un stretch à droite, en haut, à gauche. Après ça, faut que tu ramasses des émeraudes, en fait. Il y a deux émeraudes secondaires puis une émeraude principale. Puis après, ça débloque la partie du stage avec le boss dedans. Faut que tu te rendes jusque-là. Puis c'est très, très, très varié. Chacun des tableaux est très différent. Il y a plein de chemins puis de gogos partout. T'sais. Ça, c'est super le fun pour ça. On s'ennuie pas partout en jouant à ça. Là. Vraiment pas. La seule affaire, moi, j'avais trouvé quand j'ai joué puis quand j'ai rejoué, c'est que je trouvais que les toutes les places semblaient similaires. T'avais tout le temps l'impression d'être à la même place, différentes couleurs, tu sais. Fait que c'est la seule affaire, j'avais tout le temps l'impression d'être dans un gros égout électronique. Là. T'sais, t'as tout le temps le même. C'était au sein du même niveau. Peut-être que si je rejouerais aujourd'hui, ça serait différent, mais ouais. J'avais l'impression de ne pas savoir jamais où j'étais. Ouais. Et tu ouais. vois, j'apprends aujourd'hui qu'il fallait que je prenne des éléments ben, pour devient... débloquer le boss. Ouais. Ben, comme j'étais allé au deuxième niveau, je pense, une ou deux fois. Mais sur le coup, quand j'avais peut-être 12 ans, j'étais complètement perdu. Là, c'était ouais, c'est sûr. J'avais aucune idée qu'il y avait un quest au travers de ça. Là. Ouais. Je savais pas où aller, puis je savais okay. pas qu'il fallait que j'aille à gauche en ouais. premier, ouvrir une switch, à droite ouvrir l'autre switch. Je l'ai découvert en juin, c'est ça? Je l'ai découvert récemment quand je me suis remis à ça, là, parce ouais. que je savais pas du tout. Puis c'est pas si facile que ça. Non, c'est assez difficile. Bruno, il est bon, machine à boule, là, mais moi, là, j'ai trouvé mais ça non, assez c'est, difficile. C'est pas facile, mais c'est ça. Faut que t'aies... Ce jeu-là, je trouve, faut que tu sois hyper patient parce que t'as des objectifs. Ouais. Ouais. Contrairement aux autres jeux de pinball, là, tu peux rouler pendant un bout en faisant juste des points, puis tu te dis, OK, là, je fais les points, j'attends que mon multiplayer y arrive, puis là, je vais faire ce qu'il y a à faire. Mais là, c'est tout le temps des objectifs. T'as pas, faire des points, ça te donne pas grand chose là-dedans. Là. Ce qui rend ce jeu-là encore plus dur, c'est que à chaque fois que tu meurs, tout est à recommencer. Ouais. Commencer du début. Ouais. Mais si tu as réussi à ouvrir 3 switches sur 4 dans ton tableau, je sais pas quoi, tu es presque rendu, poche, tu perds ta vie, tu recommences tout. Ça, approche. C'est chiant. C'est vraiment chiant. J'aurais aimé ça que dans tes 3 vies, tes affaires restent. Ben oui. Il n'y a même pas de continu. Non, pas en plus, t'sais, donne des continus ou fais que tout recommence ou mets un système de password, quelque chose. Oui. C'est ça, tu peux jamais progresser. T'sais. Chaque fois que tu meurs, puis c'est pas impossible de mourir là-dedans, là. Vraiment pas. Là. Oui. Même s'il y a des spots entre tes deux flippers, ouais, il y a un safe spot là, oui. des fois. Mais t'as un toujours. Dragon mécanique qui vient ouais, te chercher. C'est ça, puis il faut que tu tombes à la bonne place. T'sais. Même s'il y a ça, t'sais, tu meurs souvent. Fait oui. que faut que tu joues, puis que tu joues, puis que. T'sais, tu meurs souvent, puis c'est pas rien que ça, c'est des tableaux qui sont difficiles à mémoriser. Oui. T'as ouais, tellement ouais. de place où tu peux aller, là, que veux pas, même d'une partie à l'autre, tu peux complètement oublier ouais. t'étais où, puis. Oui, absolument. Tu sais. Donc, ça devient un peu pénible. Là. Aujourd'hui, ouais. on est habitué peut-être à ce que les jeux se comprennent plus rapidement que ça. Tu sais. Quand t'es kid, en quand partant, t'es kid, en plus, je me souviens ouais. que c'était pas évident. Là. C'était pas, on tripait pas ce jeu-là quand même. Non, c'est ça. Mais moi, c'est ça sur Wii. Ce que je fais souvent, c'est que je garde la boule sur le coin d'un paddle. Puis je pèse sur home, puis je me dis bon, à une prochaine fois. T'sais. C'est rare que je me fais une longue stretch de Sonic Spinball parce que c'est un jeu justement il est ben tellement c'est, difficile. C'est difficile. Il est frustrant. Fait qu'on dirait que quand t'as une bonne run, tu veux pas qu'elle arrête. Fait que c'est ouais. quand, ok, là je suis à mon summum, j'arrête. Je vais recommencer quand je vais vraiment être concentré. Il faut beaucoup de concentration au jeu. C'est normal, c'est qu'il soit pas long, qu'il soit difficile. En plus, c'était juste 4 niveaux. Oui. Ouais, c'est pas ça. Beaucoup, 4 niveaux. Non, vraiment pas. Ben, s'il y avait mis des continus, tu sais, déjà, mettons, mets 2 continus. J'avoue. Ou fait que ta game recommence pas à zéro. Ouais, ton stage recommence pas à zéro ouais. à chaque fois que tu meurs. Ça aurait donné un peu d'espoir, tu sais. Mais là, c'est vraiment décourageant. Là, c'est très décourageant. Je l'ai encore, par contre. Faudrait que je le réessaye. Ben, réessaye, ah. C'est vraiment... Mon Genesis est mort. D'ailleurs, si quelqu'un a un Genesis... Je viens juste d'en vendre un, là, mais je vais en avoir d'autres. Caroline. Puis, je voulais juste dire aussi, entre les stages, il y a un petit stage bonus. Oui. Ça, c'est un beau petit ajout. Oui. La musique, le graphisme, c'est le même graphisme que tous les Sonic, je trouve. Mm-hmm. Là, vraiment, ça change. C'est le sprite à partir du 2. Ouais, hein. Ouais. C'est ça. Puis la musique, c'est tel que tel, là, c'est correct. Là. Correct, là, c'est un peu... On capote c'est pas simple. Là-dessus. Là. Mais on a, je trouve aussi qu'on n'a pas nécessairement le vrai feeling. C'est un jeu, c'est plus un jeu qu'un ouais. feeling de machine à boules. Puis avec ton pad, tu peux influencer Sonic. Si, mettons, il part en ligne droite, tu pèses à gauche, tu il peux va, le courber il va un peu. Ouais, c'est intéressant. Donne, mais à peine, hein, pas tant que ça. Des fois, même, c'est frustrant. Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais des fois, c'est assez pour le faire balancer d'un bord ou de l'autre. Ouais. Ça enlève du feeling de machine à boules, mais c'est agréable. Ouais. Ça peut te donner une chance là, dans cet univers si difficile. Donc. C'est ça. Ça coûte pas cher, comme je disais, 5$. Là. Il y en a partout des Sonic Spinball. Il l'a en Virtual Console. Ouais. Il l'a sur plusieurs consoles. Il est plus aussi. Cher en Virtual Console que. Ben ouais, c'est ça. La compilation de Genesis, je pense qu'ils l'ont partout. Ouais. Ils ont ouais, toutes les sûrement, Sonic. C'est vrai. Puis, sûrement. Le Spinball aussi. Mais c'est un bon petit jeu. Là. Ça vaut la peine. Puis à ce prix-là, on serait fou de s'en passer. Ah. Hein? Donc, moi, je le recommande. Right. Hey, hey! Moi, je vais vous parler de Sonic Generations parce que j'ai vu qu'on allait faire le spécial sur Sonic. Je me suis dit, je vais me pogner Sonic the Hedgehog épisode 4. Ouais. Puis. Sur quelle console, ça? Sur PlayStation Network, XBLA, PC. Ok. En download seulement? Oui. Ok. Il y a épisode 1 et 2 du quatrième. Puis j'ai vu ce que c'était, puis j'étais comme, j'ai comme pas vraiment le goût. Là, Sonic Generations, il est rendu 30$. Fait que je me suis dit, je vais essayer ça. Ça a l'air que c'est une révolution. Et c'est une énorme révolution. C'est une grosse surprise pour moi parce que je considère que Sonic Generations, toutes les erreurs qu'ils ont faites avec les Sonic dans les derniers jeux qu'ils ont fait, c'est fini. Ils ont tout réglé avec ça. Ils ont écouté les fans, ils ont écouté les critiques, puis ils ont fait un bon jeu de Sonic, autant classique que moderne. C'est-tu, excuse, un jeu physique, ça? Ou je veux dire, tu l'achètes au magasin ou tu le downloads? Tu peux l'acheter au magasin puis tu peux le downloader. Ok, ça, tu peux l'acheter. Oui, parce que ça c'est un jeu complet. Là. Il était à 60$ quand il est sorti. Okay. C'est sorti en 2011, je pense, au mois de novembre. Puis c'est ça, c'est un jeu qui est sorti en 2011. Puis ce que c'est Sonic Generation, c'est que au départ, le Sonic moderne fait un petit pique-nique avec ses amis dans le bois. Puis là, il y a une grosse bébête noire qui arrive puis qui fait des time holes. C'est comme des espèces de gros trous noirs. Ouais. Là, mais des trous noirs dans les holes. Okay. Ouais, holes. Okay. Holes. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas des time holes. Des time holes. Time holes. Des buts du temps. Des holes. Et c'est insatiable pour l'histoire. Fait qu'en tout cas, lui, il y a des trous, puis là-dedans, tous les amis de Sonic puis Sonic, ils rentrent dans les trous, puis ça les fait voyager dans le temps. Fait que là, Sonic, faut qu'il aille sauver ses amis qui sont revenus dans le temps. Fait que ces gars, tout le temps, surtout Sonic Team, a tout le temps une belle façon comme ça de raconter des histoires qui ont ni queue ni tête, juste pour donner une raison à un jeu. Par un jeu, ouais. Puis là, c'est celle-là. Puis dans le fond, ce qui arrive, c'est que t'es Sonic moderne, mais là, tu rencontres Sonic classique. Quand il était jeune. Quand il était jeune. Ah, okay. Fait que là, c'est les deux Sonic qui travaillent conjointement. Puisque toi, t'arrives dans une espèce d'univers qui est complètement blanc, puis il faut que tu redonnes vie à chacun de ces univers-là. Fait que tu revisites des tableaux que Sonic a déjà fait. C'est bien cool, ça! Fait que là, c'est des tableaux que t'as déjà fait, mais ils ont été refaits en HD, ils ont été refaits, le graphisme est refait. Mais c'est-tu la même chose ou ils retravaillent? C'est la même chose, seulement le design des niveaux est légèrement différent. OK, c'est assez pas la même... pour pas t'as l'impression de jouer exactement en enfant. Ouais. Mais la musique a été mise à jour. La musique, c'est ça qui est écœurant, c'est que c'est le thème... C'est drôle parce qu'on parlait de ça, moi puis Dominique, récemment, des thèmes, quand il y a des remakes qui sont comme trop refaits de façon à ce que tu te souviennes même plus c'était quoi l'original. Mm-hmm. Là, tu reconnais très bien l'original quand même. Fait que c'est le fun. Tu te sens vraiment comme dans des souvenirs de jeunesse. Là, t'sais. J'étais dans Green Hill, je pense, au début. T'sais. Puis tu as vraiment l'impression d'être à la même place que quand tu as joué à ton Genesis. Sauf que là, c'est super beau, c'est brillant. Il y a des fois... Le background est, là, est profond. Ouais, hein, c'est profond. Puis en même temps, c'est le fun parce que des fois, ils ont mixé certains éléments visuellement comme où tu avançais normalement puis que Sonic faisait une vrille comme ça. Ben là, la vrille, il s'en vient super proche de l'écran, puis il revient en arrière, puis il y a des mouvements de caméra. Fait que, tu sais, la c'est caméra, 2D, je vois qu'elle zoom out beaucoup. Oui, c'est ça qui fait une grosse différence avec les Genesis. Oui. La Genesis, c'est stable tout le temps. Là, ça zoom out, ce qui permet, je trouve, de moins manquer de tableau. Ouais. Parce qu'au Genesis, soit que tu vas vite, ou soit que tu ramasses tout ce qu'il y a dans le tableau. Ouais, c'est ça. On dirait c'est que un des jamais problèmes faire des Sonic, c'est que soit tu vas vite puis tu peux rien faire de toute manière, ben, c'est ça. Ou soit t'es trop proche puis t'as l'impression de marcher comme une tortue. C'est absolument. Ça. Mais c'est en zoomant ça... out de même, tu vois un petit peu plus qu'il y a autour puis t'as plus l'impression d'être au courant de ce qu'il y a exact. Dans le tableau. Un problème là, qu'il y avait au Genesis. Le classique, c'est le petit ou c'est le gros le des deux Sonic? Le petit. Le classique, il est tout petit. Puis le gros, c'est le Sonic moderne. Ce qui arrive là-dedans, c'est que tu peux changer d'un Sonic à un autre pas en tout temps, mais avant de commencer un tableau. Okay. Fait que chaque... Comme Mario 2. Ouais, un peu. Ouais. Fait que chaque niveau est divisé en deux actes. Le premier acte est tout le temps pour le Sonic classique et le deuxième acte est tout le temps pour le Sonic moderne. T'es à la même place, admettons, t'es à Green Hill ou t'es dans une autre place. Tu vas utiliser un Sonic ou un autre, mais tu vas être au même endroit. puis le jeu va être différemment, tu sais, parce que là, ça va être différent à cause que Sonic moderne, admettons, lui, c'est comme un third person, là. Tu vois ton personnage de dos, puis tu cours en ligne droite dans un circuit. Des fois, ça s'en va de côté un peu plus okay. 2D. Mm-hmm. Puis, il y a aussi une attaque qui s'appelle, dans le fond, comme un homing attack. Parce qu'il saute, puis il attaque l'ennemi directement. Comme il sautait, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, ça, auparavant, ces gars l'ont essayé, mm-hmm. ils l'ont fait, puis ouais. ils n'ont pas réussi à captiver les gens avec cette façon-là. Ouais, oui, ouais. Exactement. Puis ils l'ont fait aussi dans des versions plus récentes. Mais il y a eu Sonic Colors, que j'ai pas critiqué à Rétro Nouveau, ni ouais. à Monsieur Net, qui est un très bon jeu. Ça, c'est pas le jeu qui est en spécial d'un bac genre au Toys R Us ouais. 10$. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est pas un Mario Paint de Sonic, genre. Non, non, c'est pas un Mario Paint de Sonic. C'est vraiment un jeu de Sonic, mais vraiment en 3D avec des éléments 2D. Okay. Sonic Colors, c'est comme la feuille de route pour faire Sonic Generations, qui est beaucoup plus ambitieux. Mais ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que le design des tableaux a été refait de façon à ce que justement, des fois, quand on va trop vite. On n'a pas le choix d'arrêter parce qu'il faut qu'on pèse sur une Switch à quelque part pour pouvoir se rendre à quelque part puis faire un jeu de plateforme intéressant. Des fois, il faut sauter sur des espèces de nuages, il faut se laisser porter. Des fois, il faut arrêter, on n'a pas le choix. T'sais. Est-ce qu'ils font des coups de cochon à la Sonic classique au Genesis où tu vas spinner pendant 2 minutes puis en bout de ligne, tu vas avoir un pic? Ouais, ça arrive. Ça, c'était chiant. Ça arrive, mais très loin. OK, OK. Puis c'est pas... quand ça t'arrive, tu te dis ben c'était le même dans le ouais. temps, tu sais. Fait c'est surtout dans Sonic classique. Ouais. Dans le nouveau Sonic, il y a pas ce genre de trap là. Donc c'est comme un Sonic 5 sans être un Sonic 5 oui. quelque part. Okay. Oui, c'est pratiquement Sonic 5. Puis là-dedans, t'as des défis aussi. Une fois que t'as terminé tes deux actes avec les deux Sonic, t'as des défis que t'as besoin de faire certains de ces défis-là, comme mettons une course contre Knuckles ou genre ramasser tous les éléments dans un tableau. Mmh. Ça te fait revisiter les tableaux, mais différentes parties du tableau pour pouvoir débarrer une clé. T'as besoin de 3 clés pour aller débarrer la grosse porte du boss. Okay. Parce que t'as des boss dans ce jeu-là, des boss que t'as vus dans les autres Sonic, mais qui sont refaites. Les boss, m'en dire, c'est pas la partie la plus mémorable du jeu parce que c'est quand même assez facile. Ça a toujours été un petit peu facile. C'est ouais, Sonic, c'est, pas, ouais, c'est, ouais. C'est pas la grosse force de Sonic. Ben franchement, puis je pense pas que le monde joue à Sonic pour les boss. Non, c'est ça. C'est plus pour les tableaux. Puis là-dedans aussi, les défis, ce qui est le fun, puis les tableaux, ce qui est le fun, c'est que t'es pas obligé d'utiliser tout le temps le même chemin pour terminer ton tableau. Ouais. Autant en classique qu'en moderne, il y a plusieurs routes alternatives, il y a plusieurs choses que tu peux débarrer, que tu peux aller trouver dans un tableau. Mais là, je veux juste être certain, c'est un tableau qui est en 3D parce que t'as le Sonic moderne, puis après tu l'utilises, le Sonic classique, ouais. tu vas avoir le même tableau, mais vraiment en 2D. Ben, c'est pratique. C'est le même environnement, oui, okay. mais en 2D. OK, mais c'est pas exactement le même tableau. Non, c'est pas le même okay. chemin. T'as pas l'impression okay. de faire le même tableau okay, jamais okay. deux fois. Fait que le Sonic classique, il est toujours 2D. Il est toujours 2D. Puis le nouveau, il est le tout nouveau, le temps... Ses tableaux sont toujours 3D, en 3D. C'est tout le temps en 3D, ah, puis okay, tu okay, te promènes cool. un peu là-dedans. Puis le Sonic 2D, on pourrait dire que c'est du 2.5D à ce stade-ci, ouais, parce ouais. que... T'as un chemin précis, mais quand même, des fois, la caméra se promène un peu pour dramatiser le jeu. Okay. Ça fonctionne tellement à merveille. Tu sais, il y a des choses là-dedans que technologiquement, il n'y a jamais eu rien d'aussi épique que ça dans un jeu de Sonic. Il ouais. y a une passe où tu descends, je me souviens plus c'était dans quel Sonic, je pense que c'était dans le Sonic au Dreamcast, où tu descends en skate sur une grosse pente, comme une grosse rue, ça fait penser à Crazy Taxi comme ouais. tableau. Puis t'as une grosse van qui te poursuit dans le jeu. Dans celui-là, on fait poursuivre. Il y a une grosse poursuite avec une van qui est en arrière de toi, qui roule en malade. Après ça, la van, elle sort une grosse scie ronde, puis elle essaye de te pogner. Okay. Puis toi, tu te tasses. Puis tout ça, t'es vraiment dedans. C'est vraiment huge comme jeu. Ça va rapidement, mais c'est pas rapide juste pour être rapide, ouais, ouais. c'est imbécile. Quand ouais. tu manques des affaires, ça te fait chier. Puis t'arrêtes, puis tu vas les chercher. Mm-hmm. Fait que c'est super le fun, bien fait, bon rythme. J'en viens pas que je sois passé à côté de ça, parce que moi, c'est... T'sais, j'ai des super bons jeux de Sonic, mais ça, c'est pourrais pas dire le là, contraire que c'est mon meilleur jeu de Sonic jusqu'à date. Ah, non, moi, avec, là, moi, c'est mon meilleur jeu de Sonic parce que t'as le meilleur des deux mondes. Je trouve que c'est la meilleure façon. Ils devraient tout le temps faire ça de même maintenant. Parce mais pourquoi que... est-ce qu'ils font pas un Mario Generations? Mélange de Mario Galaxy et de Mario Bros. Je suis tellement d'accord avec toi parce que même les Mario, le New Mario Bros. Qui était sur la DS, puis celui sur la Wii, puis là, on a le deuxième qui s'en vient d'ailleurs. J'ai essayé sur la j'ai pas autant que c'est intéressant, que c'est le fun, c'est tout pareil. Oui. Et j'ai pas l'impression de retrouver mon bon vieux Mario. Non. J'étais un vieux de la vieille. Moi, les 1, 2, 3 Mario World, c'est mes préférés. C'est ça. Puis, mais même avec les. Moi, j'en veux du 2D. Ça me dérange pas qu'il n'y en ait pas de 3D. Mais je retrouve pas mon bon vieux Mario. Mm-hmm. J'ai retrouvé Megaman avec c'est quoi? C'est le 8 quand ils l'ont fait. Le 8 puis le 9. Le 8 puis le 9. Puis ça, c'était cool. Mais je veux un Mario. Ouais, en fait, c'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun. Ouais, ouais. C'était un gameplay qui était difficile aussi. C'était pas facile. Puis les Mario aussi, ça, c'est un autre problème. Ils sont trop faciles. À moins que tu joues à 4, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Même à 2, tu te fais suer. Mais ce Sonic-là, c'est fait pour les nostalgiques, mais en même temps, ce qui est brillant, c'est que c'est fait pour les nostalgiques, mais aussi pour les gens qui connaissent pas du tout Sonic jusqu'à date. Les Huns. Ils ont jamais vu ça, eux autres, Sonic contre Genesis. Ah, ils vont lâcher le... ça, Genesis. Ils vont lâcher les texto puis jouer à Sonic. Texto. Ils ont ton téléphone, les jeunes. Mais non, c'est écœurant, ce jeu-là. Puis j'en viens pas, c'est 30$ présentement. Ça, c'est du vol, 30$ pour ça, parce que c'est vraiment de la bombe. Tu vas jouer longtemps à ça, parce que moi, j'ai commencé, ça fait un bout, puis je continue, puis j'arrête pas. T'as pas fini encore faire le jeu? Les défis, puis tout, puis j'ai pas fini le jeu, puis je dois avoir comme déjà, tu sais, une bonne vingtaine d'heures dedans, parce que je veux tout faire, puis je veux tout revisiter, puis je vais avoir des meilleurs scores, je vais avoir des meilleurs temps. Pis ça, c'est pas quelque chose que tu fais tant que ça dans non, les autres pas jeux. Vraiment. Pis ce jeu-là, moi, il me captive, justement. Tu sais, c'est beau, c'est coloré. La vitesse, tu sais, c'est un des seuls jeux que je peux pogner pour faire comme je me fais une game de 2 minutes. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu sais, c'est rare qu'on peut dire ça d'un jeu sur console. Puis ça existe, tu sais. Tu peux en faire des tableaux aussi rapidement que ça. Puis même, tu sais, le petit panneau de Robotnik à la fin, quand tu passes flip, le tableau, je trouvais ça tellement satisfaisant. C'est tellement satisfaisant, tu sais. T'as plein de petites touches de même. Non, tu sauves pas les petits animaux dans une espèce de dôme. On s'en sac de ces animaux-là, tu sais. Hey, c'est tes amis. C'est tes amis. Mais là, là-dedans, tu sauves tes vrais amis. Fait que tu sauves toute la gang de Sonic. Tails est là aussi. Puis Tails t'aide aussi des fois. Nice. Il y a des défis où Tails, il va être au-dessus de toi. Puis il va t'aider, il va te prendre par la main, puis il va te faire voler pendant un certain temps. Fait que tu peux redécouvrir des tableaux d'une autre façon parce que t'avais pas ces pouvoirs-là. Tu peux aussi mettre à niveau Sonic pour y donner des nouveaux pouvoirs comme sauter sur les murs, faire une slide qui est plus longue. T'as-tu Super Sonic? Es-tu là, Super Sonic? Je l'ai pas vu encore. Mais ça se peut parce que c'est... Mais c'est il était bien caché anyway dans le deuxième. J'ai envie d'entendre parler de ça. C'est un hommage énorme. Tu connais pas Super Sonic? Non, mais t'en parleras tantôt. Ouais, OK. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, achetez ça maintenant. C'est débile. Là. Moi, c'est mon jeu de Sonic. Puis j'arrête pas de jouer à ça de ce temps-là. Malade. Wow. On s'en va en musique avec le thème de Batman Arkham City pour la sortie du nouveau film de Batman. We'll be right back. la discussion. Fait que cette semaine, on a décidé de discuter des jeux de super-héros. Oui, pour fêter avec notre guest. Ben oui, notre guest qui tripe super-héros vers la force des choses avec la BD. Faut l'assumer. Faut à 31 ans, j'assume maintenant. J'aime les super-héros. T'aimes les hommes en collant. Si tu veux dire ça. Il y a des filles en collant aussi. Oui, il y en a quelques-unes. Ouais. Les power nipples de Batman Forever. Non, ah ouais, ça, il y a personne qui aime ça. Non, hein. C'est jamais arrivé. C'est comme le deuxième film de X-Files. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé, non. Non, c'est jamais arrivé. Non. Ben c'est bon, on a posé la question aux fans justement, à savoir c'était quoi leur meilleur jeu de super-héros. Ouais. On a eu pas mal de réponses. Il y a Samuel Caron qui dit « Les jeux des Power Rangers que les robots se tapent dessus, c'est-tu un jeu de super-héros? Ouais, » J'ai jamais joué. Ouais. C'est sur Genesis d'ailleurs, je l'ai encore chez nous. C'est okay. Tu contrôles les mechas, donc tu contrôles les robots de Power Rangers et les ennemis. Okay. C'est cool, okay. C'est comme un jeu de combat en fait, mais... c'est avec les personnages. Le combat one-on-one, là. Ouais. Comme okay. C'était wow, tu contrôlais les robots. Ouais, c'est pas pire. Je connaissais pas. C'est un peu, cool, ouais, c'est des super-héros. Il doit l'avoir au Super NES aussi. J'imagine, hein, puis il doit être mieux fait. Puis il me semble que j'ai vu des beat-em-up aussi de Power Rangers. Ouais. Tu peux-tu, ça? J'ai il y a eu pas mal de jeux de Power Rangers. Ouais, hein? Ouais, il y a une panoplie. Ouais. Moi, malheureusement, j'ai jamais aimé les Power Rangers. Fait que j'ai évité tout ça. Le jeu de Power Rangers de combat est pas mal fun. Mais en tout cas, Samuel Caron, il trippe parce qu'en plus de ça, même son icône, ça semble être un Power Rangers. Wow. Y a François Moreau qui dit les deux Marvel Ultimate Alliance, mais hein. Mm-hmm. Ensuite, je pourrais dire les deux Batman, Arkham Asylum et City. Un incontournable. Ouais, je pense qu'il va se retrouver souvent dans les choix du public. Ouais, tu crois que j'ai pas encore joué à ces jeux-là? Ils sont chez nous, ils sont là, mais j'ai pas le temps. C'est ça le problème. Ouais. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai vraiment le potentiel d'être un gamer compulsif. Oui. Parce que j'adore gamer. Quand je joue, les jeux auxquels j'ai joué, je m'en souviens, je peux te parler des passes dans Left 4 Dead. J'étais où avec mon chum, mon pote, puis qu'est-ce qu'on faisait. Pis... Mais il faut que je prenne le temps. Ouais, ben t'as d'autres choses à faire aussi. Là, je veux dire, les mystérieux étonnants. Ça prend pas. Ouais, c'est ça. C'est pas juste une fois par semaine, malheureusement. Non, mais bon, c'est son histoire. Mais ouais. J'ai hâte de voir si quelqu'un a mis Maximum Carnage. Ben je l'ai. Cassette est rouge. Elle est rouge. J'allais le dire. Puis il y a une toune de Green Jelly en background. Là. C'est vrai. Tu connais-tu Ben Green Jelly? Non, je connais pas du tout. Little pigs. Let me in. Ça me dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose. Eux autres, ils ont fait une deuxième cassette qui s'appelle 333, je pense, pour faire la moitié de 666. Puis ils ont fait la toune Maximum Carnage. Puis ils ont fait une vraie toune. Puis pour le jeu, ils ont repris juste le riff de Git. Puis ils l'ont mis dans le jeu. Puis d'ailleurs, j'ai déjà posté ça sur Retro Nouveau dans la section musique. Vous irez écouter ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont écouté. J'essayais de vous apprendre quelque chose là. Puis, c'est vraiment juste le riff. Je suis fâché, man. Parce que ça a marqué ma vie. Je suis Green Jelly dans Maximum Carnage. C'était probablement le seul bon côté du jeu. Oui. Ça et la BD est infecte. Ah, il y a une BD de Maximum. Ben oui, c'est basé sur une BD. Sur le stretch de Carnage. Ouais, parce qu'il me semble que c'est un comic strip. Non, en fait, c'est pas tant l'histoire de Carnage qui est un événement. Tu sais, comme dans les BD, il y a des events, il y a des choses qui se passent, puis il y a comme. C'est un événement important. Il y a une petite série, ça s'appelait Maximum Carnage. Et ça met en scène, entre autres, Carnage. Mais c'est 14 pas... numéros, si je me souviens bien, ou 13 numéros, mais je pense que c'est 14. Que c'est juste Venom qui se déplace, fout la merde, Spider-Man arrive, il se bat, il se sauve. Puis il y a-tu Cloak, puis Dagger, puis tout ils sont le monde. Là, tous les personnages que tu vois dans le jeu sont inspirés de scènes de la BD. Oh. Mais la BD, c'est pas... Fait qu'il y a eu une mauvaise BD, puis ils ont décidé de faire un mauvais jeu dessus. C'est années 90, man, c'était pas de temps bon. Ouais. Attends un peu, check bien ça, je vais sortir, là. Tu l'as-tu? Oui, il est là, héros, je peux avoir spoté. Il va se faire passer à spoté. Je vais te le dire pourquoi c'est pas bon. Regarde le logo ici dessus, arc-en-ciel, là. LJN. Ouais. Oublie jamais ces trois lettres-là. C'est le démon. L'heure JM. Non. Il y a aucun bon jeu de LJN qui existe. Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus, ces compagnies-là? Ça n'existe plus, et tous les jeux de LJN sont mauvais. Tu sais, j'ai haï le jeu, mais je l'achèterais pas. Un des bons jeux de LJN. T'es correct, Maximum Carnage. Tu devais être poche, man. Pas facile, mais ils en ont fait des 100 fois pires que ça. Ouais. Jazz, genre. Jazz, ouais. Puis il y a des affaires de même, mais tu sais. Il faudrait que je rejoue. À 5$, tu l'achètes. Là. La cassette est rouge. Ouais. Tu sais, tu m'as eu à est rouge. Mais justement, il y a Patrick Sans Souci qui dit Batman Arkham Asylum. Et oui, ouais, je suis probablement un des seuls à avoir préféré le premier. Puis en effet, parce qu'Arkham City est vraiment nettement meilleur, mais moi je peut-être, te dirais... Peut-être parce qu'il est moins vaste. Puis des fois, il y a du monde qui aime ça pas trop vaste pour être capable d'en voir le bout. Ouais, ouais, comme autre, moi, ouais, c'est comme moi aussi. C'est ce qui me fait peur de voyons, le jeu de cowboy. Red Dead Redemption. Ouais, ah, ouais, ouais, ouais, ouais. Je te le dis, j'ai abandonné. Je rejouerai pas, là. J'ai pas le temps. Mais c'est trop... tu peux te faire un petit campement de feu, puis ça, tu peux t'en aller à quelque part d'autre. Tu peux décider de ta destination, okay, n'importe quand. T'es pas obligé de faire du cheval. Ils ont considéré cette option-là. Mais oui, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand même, qui décident de faire du cheval, oui, pendant un bout. Oui. Tu sais, je veux dire, mon coloc, Simon Chenier, qui est coin de ma terre, d'ailleurs, sur mon show, je l'ai regardé jouer. Ouais. T'sais, pas lui, mais ce qu'il jouait, là. Puis c'est vraiment comme un film. Ouais. T'as vraiment l'impression que tu t'assis, puis t'écoutes ce qu'il fait, puis wow, c'est intéressant. Non, mais c'est personnellement, je sais pas si je m'investirais dans un gros jeu comme ça. Les vacances s'en viennent, peut-être. Que... Ben, l'affaire, c'est que dans Arkham City, Arkham Asylum, c'est que les gens qui ont travaillé là-dessus, les scripteurs, tout ça, c'est des gens qui travaillent Paul sur Dini. Les BD, tu sais. C'est Paul Dini, c'est un gars qui a écrit d'ailleurs la Batman Animated Series dans les années 90, ouais, qui était une très bonne série. Tu sais, c'est très, très sombre. Je sais pas si vous vous souvenez de certains épisodes. Là, oui, je m'en souviens. Mais en tant qu'enfant, il y a certains qui m'ont traumatisé, dont la création de Clayface, qui est un personnage qui est fait comme une espèce de boue qui était pas... C'était violent, là. Ouais. Puis il a écrit du comic book par après. Et moi, il connaît son shtick pour avoir vraiment, justement là, vu Simon jouer à Batman, Arkham Asylum, Arkham City... Il respecte les origines du personnage, mm-hmm, les personnages secondaires. C'est comme Oracle. Qui connaît Oracle? T'sais, c'est, non, c'est la vrai, première Black Girl. Oui. C'est quand même intéressant. Là. C'est du monde qui savent ce qu'ils font. Et en ce moment, les gars, je ne sais pas si vous savez, mais on partage probablement le même air que Mark Hamill, qui fait le Joker. Parce qu'il est là pour Fantasia. Il faut présenter le film Sushi Girl. Et possiblement, si ce n'est pas demain, il est probablement à Montréal aujourd'hui. Ouh. Hein? Le même air que Luke Skywalker. Aïe, malade. Il y a Benoît Bédard qui dit vite de même, je serais porté de dire Batman Arkham City, encore une fois. Si on parle de rétro, pour Dom. Yes, sir, c'est quoi qu'il dit? Je dirais Batman au NES. Ben oui, mon gars, c'est ça que j'avais dans la tête. C'est comme. Ça le reste... platformer, là, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Il était tough en maudit. Il l'a tout excité. Il est tout excité. Il y en a deux. Ben, ça, de Sunsoft, c'est le Batman, le premier Batman qui est sorti. Inspiré du jeu, film de Tim Burton. Inspiré de du film de Tim Burton, mais les tableaux, ils n'ont rien à voir avec ça. Ouais, c'est rendu là, c'est une excuse. C'est cinématique un petit peu entre les tableaux qui fit le film, mais pour le reste, le jeu, ça n'a aucun lien. Là, c'est n'importe quoi. Mais on le pardonne parce que c'est vraiment bon. Le platforming est excellent. C'est dark, par exemple. C'est assez dark, sombre. Hein? C'est sombre. C'est très difficile. Là. Oui. Puis, mais on réussit. La musique était écœurante. Ouais, la musique, je me souviens de la musique. Ah ouais, c'est vrai. Hein? Non, c'est malade. Ça, ça fait partie d'un Sunsoft. Là. Je vais faire un billet, je vais faire un spécial là-dessus à un moment donné. Là. Les gens qui ont fait la musique de Sunsoft pour Batman, Gremlins 2, Journey to Sirius. Gremlins 2, c'est tout. Fester's Quest, même si ce jeu-là n'est pas très bon. La musique de tous ces jeux-là, chez Sunsoft, c'est malade. Puis tu vois ici, au NES, Batman Returns, on se souvient de la version Super NES, qui est excellente. Ouais. Moi, j'ai découvert, je m'étais jamais intéressé à la version NES, je l'ai acheté parce qu'elle était mint. Konami. De Konami, vers la fin de la vie de la NES. Ouais. Puis c'est vraiment excellent, ce jeu-là. Hein? Si vous le voyez, là, n'ayez pas peur d'acheter ça parce que c'est un jeu de grande qualité. C'est le même genre de gameplay que le Batman ou c'est... Non, c'est le personnage est plus grand aussi. Le personnage est plus costaud, c'est un brawler, c'est un beat'em up. Ouais. C'est pas comme Double Dragon. Là, c'est pas un platformer. Ouais. Peu de la misère, moi, avec ces jeux-là. Je trouve pas. Ouais, mais ton Batman, il y a des moves, tu sais. Puis il y a un petit peu de platforming Batarang à travers. Oui, il y a des armes. Il y a un grappin pour monter d'étage. Écoute, ça, j'ai joué l'année passée. Mais le premier Batman, moi, c'était le fait que c'était de la façon qu'il sautait. Il sautait en angle. Ouais. Pis ça, c'était tough, là. Puis, c'était il y avait vraiment un petit pas évident, recul là. Dans son jump, là. Oui. Tchou, il saute. Ah, non, c'était... Mais c'était... c'est vraiment cool, là, ce jeu-là. Même Batman au NES Return of the Joker. Oui. tous les Batman au NES sont bons. Oui. Fait que posez-vous pas la question. Okay. Là. Vous c'est les achetez, ça. C'est trois bons. Puis, Batman... Contrairement au Wolverine puis les X-Men que j'ai acheté sur NES, oui. C'est horrible. C'est effectivement. C'est un Wolverine au NES. Wolverine au NES, tu donnes des coups avec tes griffes. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est des pixels, t'en as peut-être 4 de large. Cling, cling. Ouais, c'est vraiment un son vraiment très, très aigu. Mais le fait que t'as des griffes, c'est juste que ça donne plus des dommages que si t'en avais pas. Ouais. Mais c'est parce que t'es tellement proche, puis les gars, ils tirent direct dessus, tu peux pas les éviter. C'est clair que tu vas perdre tes griffes. Mais t'as pas parce que tu perds tes griffes. Qui... Je me souviens pas si t'as un link factor. Ce que je sais, c'est que tu perds tes griffes après un certain nombre de coups, puis après, t'as juste tes points. Oh. Mais c'est juste. C'est chiant. Ouais. C'est celui du X-Men, on n'en parlera même pas. X-Men, c'est mais je comprends vraiment ta douleur pour Wolverine parce que moi, je l'ai loué puis je me suis forcé à essayer de le finir parce que là, je l'avais loué. Puis c'est un de mes pires. Tu l'as réussi à le finir? Non, pas du tout. My God. Il y a Wolverine au Super NES aussi. Ouais. Qui est, je pense, quand même un petit peu meilleur. Mais c'est quand même pas pire. Il y a une genre de Wolverine vs. Sabretooth que je me souviens. Il se tape vaguement. Tout le temps sa gueule, ces deux-là. Ouais. Ça n'a pas de sens. Get a room. Ouais. au Super NES, il y a des Uncanny X-Men. Ça se peut-tu, ça? C'est ouais. Tu, ça se peut, ouais. J'ai pas joué ça. Ouais, il était bon. T'as un tableau 2D? Avec Gambit, un tableau avec Cyclops, un tableau avec Beast, un tableau avec Wolverine. Mm. Puis, non, il est vraiment excellent. Mais des bons jeux sur Super NES, mais sérieusement, des fois, t'es comme waouh. Ouais, c'est vrai ça. Il y a JB Gagné qui dit Carnage au Super NES. Ah ouais, Maxime Carnage. Il dit un beat'em up solide avec de bons combos. Imam. J'ai eu un fun fou grâce à ce jeu dans ma jeunesse. Sinon, les Ninja Turtles au NES. Oui, il y a des bons combos. La bataille c'est un bon feeling quand tu varges dans le monde, tu te pognes et tu tires à terre. Ce que t'as le fun, c'est que tu étais Spider-Man ou Venom, tu pouvais pitcher de la toile aussi pour pouvoir faire un kick. Puis les pognes, lui, il dit sinon, il y a les Ninja Turtles au NES. Je pense qu'on a tous un attachement affectif, nostalgique, mais si on joue maintenant, on s'aperçoit que. Surtout le premier. Si bon. Mais j'ai envie d'acquérir le 3 Manhattan Project. J'ai jamais joué encore. Ça a l'air d'être comme l'arcade game, le 2, mais meilleur. Avec plus de stock dedans. C'est meilleur parce que c'est comme pas un port. Non, c'est ça. C'est une invention. Ils ont utilisé comme l'engin pour faire un autre jeu. C'est pas mal meilleur. Moi, mon meilleur, ça reste tout le temps Turtles in Time. Là. Ah, au Super NES, c'est sûr. Oui. Moi, Tournament Fighter n'est pas à négliger du tout au Super NES. Excellent. C'est vrai, tu m'en parles souvent. Puis il y a Tournament Fighter qui ont fait au NES aussi, mais que je pense que c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas un jeu de download aussi des Turtles sur 360 à tout le moins, genre où tu pouvais jouer justement un genre de. Ouais, c'est pas pire ça aussi. Ouais. Mais moi, ça m'a déçu parce que je le comparais à. Ben, c'est Re-Shell, c'est Turtles in Time dans le fond. Mais refait. Mais avec des nouveaux skins, peut-être. Ouais, mais c'est pas exactement le même jeu non plus. Comme j'avais pas joué l'autre, Turtles in Time est 100 fois supérieur. Okay. Mais mettons Out of Nowhere, demain, t'as jamais joué à ça. Mm-hmm. Je pense que Richard peut te donner du plaisir. Okay. C'est vrai. Puis il dit évidemment Batman Arkham City sur 360. Et ça, je comprends. Là, tout le monde va le dire. Mais là, l'affaire, c'est que ce jeu-là, ces deux jeux-là sont sortis relativement récemment. Donc, c'est frais. Mm-hmm. Puis là, ça va être aux développeurs de comme adapter comme des nouveaux jeux de super-héros. À un niveau qui est intéressant, justement, jouer. Puis chacun avec sa spécificité. Moi, je rêve d'un jeu des X-Men, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, mais vraiment intéressant, où chacun des personnages, j'ai vraiment l'impression de les incarner. Wolverine, Cyclops, toute la gang. Puis il y en a beaucoup, là. On parle de milliers de personnages, littéralement. Alors, reste à voir, là. Ah oui, c'est sûr, ça serait super bon. Mais il y a justement le choix de Sébastien Bouchard que je partage vraiment. Les Marvel Ultimate Alliance. Qui sont un peu ça, finalement. Marvel Ultimate Alliance, c'est vraiment tous les personnages de Marvel, les super-héros de Marvel. C'est une rencontre avec Diablo aussi, un petit peu. Il dit c'est ça, tellement de personnages à débloquer, beau gameplay, combo, co-op, c'est la joie. Mais c'est ça, en co-op, le deuxième, c'est de la bombe. Ouais. C'est vraiment, vraiment le fun. Il n'est pas basé sur Civil War, d'ailleurs, le deuxième. Oui. C'est ça, sur l'histoire de Civil War, la garantie des super-héros. Ouais. Puis j'avais appris que le premier Marvel Alliance, n'est un des rares jeux sur Xbox classique qui n'est pas compatible avec la 360. Donc si vous le trouvez dans une bin puis vous voulez l'acheter, ben considérez que si vous n'avez pas de Xbox classique, vous ne pourrez pas jouer avec. Donc, achetez-le sur PC ou une autre console. Ou achetez-le quand même parce que ça le rend un petit peu rare ou intéressant. Ouais, probablement aussi. C'est peut-être un jeu qui va prendre la valeur. Ouais, c'est vrai, bon point, c'est vrai. Je conseille vraiment le deuxième parce qu'il y a une forte amélioration par rapport au premier. C'est mon pote qui vient voir The Dark Knight, je vais fermer le téléphone. Puis c'est vrai, il vient voir The Dark Knight, là, puis il m'appelle pour ça. Ah! Bon. Il y a Frédéric Lalonde qui dit « Mon meilleur jeu de super-héros est sans aucun doute Superman 64! » Ouais. Et c'est clairement de l'ironie. Ben non, je blague. ça j'espère, c'est atroce. C'est tellement non. Il dit « C'est Batman Arkham Asylum puisque j'ai pas encore joué à Arkham City. Ouais, » je suis pas le seul. Okay. Mon Dieu. Vraiment, là, c'est, écoute, ça revient souvent. Mathieu Lamarre nous dit « Batman Arkham Asylum pour sûr. Côté rétro, le X-Men sur Genesis est excellent. » Ça doit être le même qu'au Super NES, qui ouais. parle, je pense. Pour Super NES, c'est il y a Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire qui dit « Pour les jeux de super-héros, c'est difficile. Évidemment, il y a Batman Arkham City, mais j'y ai pas joué. Ces jeux sont les jeux sont souvent assez mauvais. » Il parle des jeux de super-héros, évidemment, pas ceux de Batman. « Malgré les mauvaises critiques, j'avais vraiment aimé Spider-Man Edge of Time. » Parce que l'histoire était très intense. Mais le tout dernier est encore meilleur avec beaucoup de missions diverses. Ouais. Donc, je dirais The Amazing Spider-Man pour moi. Il a trippé pas mal sur les jeux de Spider-Man. J'ai entendu ses critiques. Donc, ouais. Ça m'intéresse. Ceux sur PlayStation étaient quand même le fun. Oui. T'avais des problèmes de caméra intenses. Oui. C'est mais vrai, t'avais l'impression de jouer Spider-Man. Oui. Dans l'univers de Spider-Man. Mais mon PlayStation 2 aussi. Mon meilleur, c'est ça. C'est The Ultimate Spider-Man sur PlayStation 2. Oui. C'est un peu ça qui a comme changé. Ça a changé bien les affaires dans le monde du jeu vidéo parce que c'était un des premiers jeux en cel shading. Oh. Ça respectait l'histoire. Ça avait l'air d'une BD. Puis c'était pas lié au film, donc c'était Ultimate. Là. Non, okay. Ultimate Spider-Man, c'était complètement autre chose. C'était sur PlayStation 2. Puis tu sais, il se battait contre Rhino, il se battait contre tous les personnages de Spider-Man. Fait que c'était super intéressant, puis le gameplay était rapide, ça se prenait rapidement, puis il y avait des voix, il y avait. Tu sais, c'était de la grosse méga production. C'était très bon. Truc à noter, par contre, si vous n'avez pas vu The Amazing Spider-Man puis vous jouez au jeu The Amazing Spider-Man, vous allez être spoilé sur certains éléments. Ouais, c'est pas des gros spoils, mais vous savez un peu ce qui arrive à certains personnages parce que ça se passe tout de suite après le film. Okay. Donc, moi, malheureusement, j'ai vu un walkthrough. Ouais. Parce que j'étais intéressé de voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Ouais. Parce qu'on me disait, c'est un peu à la Grand Theft Auto, tu peux te promener dans la ville, tout ça. Puis, donc attendez d'aller voir le film si ça vous intéresse. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais moi, comme j'avais dit au dernier épisode, ce jeu-là m'intéresse à cause que tu peux jouer en tant que Stan Lee. Ça, c'est cool parce que c'est non seulement le skin de Stan Lee, mais génial. En plus de ça, ouais, il a fait toutes ses voix. Ben oui, il est allé à Binox pour enregistrer ses voix. Génial, là. Ça ces gars-là, là, je dis tout de suite, là, c'est sûrement des amateurs dans un studio quelque part. Binox, Warners, tu sais, un gars qui tripe ses comics comme consultant, je dis ça de même, là. Mais Ben à commercialmystérieuxétonnants.com. Le message est entendu. Voilà. Alex Meunier dit « Quoi d'autre qu'Arkham City? » Sinon, j'aime bien The Amazing Spider-Man Maximal Carnage. C'est Maximum Carnage, c'est ça? Hey, le monde, ils ont quand même accroché. Il y a beaucoup de monde. Quand même, ça a marqué. Ben, tu sais, on s'en souvient même si... Oui. Alex Thériault-Pino qui dit « Les trois jeux de Spider-Man sur la PS2 sont sortis avec les films sont mes jeux de super-héros préférés. Mais à part Spider-Man, je suis pas un fan de super-héros. » Batman m'intéresse pas vraiment. Ah, ça fait changement. Ouais. Après ça, il y a Pascal Lavoie-Archambault qui dit « Arkham City, c'est un véritable chef-d'œuvre. » Et voilà. Ben oui. Mathieu Gélina, dans l'ordre, ceux qui m'ont le plus marqué. En premier, Batman Arkham Asylum. C'était mon rêve de gamin, époque SNES Genesis, de pouvoir jouer un Batman en 3D qui semblait réel. Quand j'étais jeune, je croyais que ça serait impossible. Surtout avec Batman and Robin. Batman Forever au Super NES. Genesis aussi. Là, c'est genre simili 3D. Fait avec le même engin que Mortal Kombat. Et fait par Acclaim. Horrible. J'ai pas joué, mais il paraît que c'est vraiment. Si je sens la douleur dans son visage. Il y a une pause avant horrible. Fait qu'on sent que c'est atroce. C'est dur pour toi de parler de ça. En deuxième position, Maximum Carnage. Bizarrement, j'ai adoré ce jeu sur Genesis. Écoute, tout le monde l'adore ce jeu-là. En troisième position, Power Rangers The Movie sur Genesis. Ah. J'ai adoré ce jeu étant gamin. The Movie. Puis Deadpool risque d'être dans mon futur top 3. Ah oui, absolument. Le jeu, on en a entendu parler de ça, justement, un jeu développé par Imoon Studios, Transformers War of for Cybertron. Ça peut juste être un gros win. Oui, c'est des bons jeux. Parce qu'il y en a deux à date. C'est que c'est pas des mauvais jeux, puis c'est pas des jeux qui pètent des scores incroyables. The War for Cybertron, Fall of Cybertron, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Puis c'est quand même des bons jeux. OK. C'est juste des jeux qui passent souvent à côté à cause qu'il y a souvent des grosses sorties en même temps, fait que le monde s'en sac. Mais c'est des jeux qui pognent entre 75 et 80%. Genre 20$ dans une bin, 10$. T'achètes. OK. Oui. Puis c'est Activision, je pense, qui est derrière ça. Ça a quand même de l'allure. il dit hors sujet. J'oubliais Vanquish. Tu sais, un gars qui va vite, qui tue des robots, qui est badass, puis qui va trop vite, tu sais, c'est pas un héros dans le fond. Il fallait bien que quelqu'un parle de Vanquish. Absolument. Ah, oh, c'est mon héros. On peut dire que c'est un héros. Ouais. Puis là, il nous dit PS, pas game que vous filmez en jouant à Vanquish avec du Red Bull dans le sang et mettre ça sur YouTube. Ah, c'est lui, hein, qui arrête pas de la ramener. C'est lui qui arrête pas de la ramener, celle-là. C'est Mathieu Gélinas. Il veut Gélinas. Vraiment qu'on meure. Il veut qu'on meure. Mathieu Gélinas, ok. Ouais, je sais c'est qui. Ouais, c'est lui qui fait des mèmes, des mystérieux, d'ailleurs. Ah. Il nous a fait en A-Team récemment, ouais. Ah, ben, motadine. Il y a des plans pour toutes nous autres. Nous autres, on va mourir. les mimes. David Durand, il dit perso, j'aime pas trop les super-héros, donc j'ai bien aimé leur péter la gueule dans Mortal Kombat versus DC Alliance. Je l'aime pas, lui. Personne n'a joué à ça. Non, je parle du dude, pas du jeu. Ouais, moi, j'ai joué au jeu, puis. Moi, j'aimais juste c'était la prémisse. T'sais, l'idée que. T'sais, souvent, les jeux de combat, c'est de la. Des personnages de différentes dimensions qui se rencontrent. Ouais. Ils brèchent quelque chose. Pis c'est... Ah, c'est des super-héros qui rentrent en jeu. Ouais. Gadons ça. Ouais. Maxime Duclos dit Spawn Armageddon au Xbox. Oh. Hein? J'ai jamais joué à ça. Je ne rien de Spawn, même s'il y en a eu au Super NES aussi. Je serais pas à Spawn. J'ai joué au Spawn sur Genesis parce ça que doit... c'était Spawn, mais c'était pas terrible. T'as joué j'étais allé au cinéma voir Spawn parce que c'était Spawn, puis ça, t'es pas terrible. Ouais, même le comic, c'est pas extra. Spawn nous a tellement. Non, moi je l'aime jamais. C'est rendu une joke, là, Spawn. Hey, je sais plus si on est rendu où Spawn, mais moi j'ai lu de 1 à. Moi j'aimais. C'est quoi la blague? C'est que c'est pas grave, c'est rendu à la même place. Okay. C'est vraiment pas une blague. Ouais. C'est que ça peut être rendu au numéro 300, puis t'as lu le numéro 6 jusqu'à 50. Mais c'est rendu c'est à la même place. Ah, c'est ça le problème. Dommage. Il y a encore Clown puis Violator puis sont à la je même sais place. Plus. Il n'y a plus personne qui touche à ce fuck. Il y a Jean-Sébastien Drolet qui dit « Ma réponse est pas originale, pas en tout, mais ça reste mes préférés bon, de loin. Batman, Arkham Asylum City. Charles-Étienne Gervais dit « Mon vote va à X-Men Origins Wolverine pour la brutalité pure et dure du jeu. » Je suis 200% d'accord avec ce gars-là. C'est le fun, ce jeu? C'est écœurant. J'ai pas joué, mais j'ai vu ça, ouais. C'est un hidden gem. À co-op, hein? Non? Tu sais, l'émission ouais, co-op. Ouais, le co-op show. Ouais, ouais, co-op show. C'est vraiment un hidden gem, là. Tu sais, ce jeu-là, le monde sont passés à côté à cause que le film est épouvantable. Puis tout le monde se dit aussi, les jeux de films, c'est pas bon. Les jeux de super-héros, c'est pas bon. Fait que 1 plus 1. Mais c'est pas un jeu parfait, mais il paraît que c'est quand même satisfaisant. C'est vraiment satisfaisant. Okay. Mm-hmm. T'sais, parce que c'est un beat'em up. Puis pour la première fois de tous les jeux qu'il y a eu avec Wolverine, tu te sens comme Wolverine. Okay. T'sais, il est violent, il tue. Là, tu régénères-tu un petit peu si tu te fais tirer ouais, dessus? Oui, tu régénères. Puis c'est le fun parce qu'il y a des movies dans le jeu. Puis à un moment donné, justement, au début, il se fait mitrailler. Puis sa peau, elle se déchire. Tu y vois là, c'est super gory, dégueulasse. Puis tu le vois justement se reformer avec tous les tissus. Puis dans le jeu, quand t'avais justement du monde qui tirait, qui donnait des coups de machette, ben tu le voyais sur ton saut, tes vêtements se déchiraient. Puis tu voyais le trou à l'intérieur. C'était vraiment nice. Puis ton personnage se promenait un peu, c'était comme une espèce de mix entre Spider-Man puis Kratos de God of War. Ouais, ouais. Fait que tu te sentais tellement badass, puis le jeu est le fun, le design des tableaux est le fun. Il y a des petits bugs, mais malgré ces petits bugs-là, moi, ça reste un de mes meilleurs jeux, point, là, même pas de super-héros. Ah, à ce point-là, wow. C'est vraiment un bon jeu, là. Okay. Moi, j'ai passé je l'ai loué, là, puis j'ai passé un week-end magnifique avec ça. Fait que, ouais, très très bon jeu. Puis il dit, sinon, les classiques Batman, Arkham Asylum et Arkham City. Maxime Tremblay-Lachance dit, mon jeu de super-héros, c'est Marvel Super Heroes War of the Gems. J'ai que trop loué ce jeu-là plus jeune. C'est pas comme un jeu de bataille, ça. C'est un peu à la Power Stone. Moi, je pense Marvel Super Heroes, c'est comme la version mini des super-héros de Marvel. Ah, non, ça, c'est Marvel Squad. C'est Marvel Super, Squad, c'est ça. C'est Super Squad. Super ça. Squad, ouais, que j'aime ça. Il y a mais Squad dans le nom. Non, je le connais pas, ce jeu-là. Moi non plus. Alexandre Provencher dit Arkham City et X-Men Legends 2. Ouais. Daniel Guérin. Non, mais c'est parce qu'X-Men Legends 2, je suis comme pas sûr, mais tu sais, bon, tout le monde a ses choix. Ouais. Quand même. Après ça, il y a. Excusez, c'est parce qu'il y a des réponses mixées, parce que j'ai demandé au monde le meilleur jeu de Sonic aussi, je veux pas les dire maintenant. René Cadieux qui dit les deux Batman de Rocksteady, évidemment, et Marvel Ultimate Alliance. Serge Rioux, Batman Arkham City, Arkham Asylum. Steve Tremblay dit les deux Batman de Rocksteady. T'aurais vraiment dû demander tout sauf un Batman de Rocksteady, ouais, c'est ça. Sinon, X-Men à l'arcade, jouable à 4 joueurs, c'était vraiment cool. Ouais, ça, vraiment c'est vrai. Ça. Faut spécifier de à l'arcade. Ça comme les Turtles, comme Sunset Riders. Il y a personne qui répond Marvel vs. Capcom. Ben, moi, je viens de le noter ici parce que personne ne l'a dit, là, mais oui, là, voyons donc. Mais oui, Marvel vs. Capcom. Totalement malade, cette série-là. Et encore une fois, dans un jeu de combat, ou deux mondes qui n'ont pas rapport se rencontrent pour se péter la gueule. Ouais, c'est tellement trippant. C'est là. Tout le temps le but. Ils boivent pas le thé, tu sais. Ouais. Ils se pètent la gueule. Mais ce qui est fort, c'est qu'ils peuvent être aussi dans le même team. C'est ça qui est absurde. Emmanuel Vincent dit « J'avais pas joué beaucoup, mais Batman Returns au Super NES était absolument vraiment un bon jeu. » C'est vraiment un bon jeu, mon gars. Puis ça coûte pas cher, il y en a partout. Puis c'est un excellent beat'em up. Ça vaut la peine, ce jeu-là. Là. C'est sûr. Teenage Mutant Ninja Turtle 2 au NES aussi en co-op était vraiment bon. Ouais, the arcade game. C'est ça. Matt Wimet, il parle possiblement de mon meilleur jeu de super-héros. Le jeu de Punisher sur PS2. Ah, peut-être. PS2. Parce que Punisher au Genesis, j'ai pas joué, pareil que c'est vraiment, vraiment excellent. Mais toi, au Play. Punisher au PS2, là, c'est la version la plus identique à Punisher qu'il n'y a pas, parce que c'était comme c'était un peu, ça ressemblait un peu à Max Payne, puis Punisher il était vraiment dark, il tuait tout le monde, c'était un third person, puis quand tu tuais le monde, il y avait des façons de les tuer très gory, comme tu peux les rentrer dans un moulinet à viande, un moment donné t'interroges un gars puis il y a de la vitre partout de péter, fait que tu pètes la face à la vitre, puis après ça tu le fais approcher de la vitre le plus possible pour que le gars il flanche. Ouais. Finalement, une fois qu'il a flanché, il dit « Justice ». Il écrase la tête sur la vitre. Ouais. Tu vois toute la face démantibulée, puis à toutes les fois qu'il y avait un kill comme ça, c'était tout le temps noir et blanc pour que ça soit plus intense. Puis il rentrait à quelque part, en plus, un moment donné, il pouvait avoir un pouvoir qui permettait pas de ralentir le temps, mais de tomber sur ce qu'on dit en anglais, un killing spree. Fait que là, il tue tout le monde. Fait que pendant un certain moment, tu peux juste tuer tout le monde de façon vraiment dynamique, rapide, que t'es le meilleur c'est au comme monde. La Star Mario, mais tu fais juste tuer du monde en face. Tuer du monde. Mais c'était écœurant, Punisher, parce que c'est sorti un peu de nulle part. Il y a personne qui s'attendait à ce que ce soit aussi violent. J'ai jamais entendu parler de ça. Il est passé vraiment en dessous du radar, puis moi qui aimais les comic books, puis au moment de jouer à ce jeu-là, j'étais vraiment dans les comic books, puis Punisher, c'est un de mes préférés. Puis ça, c'est. Je veux dire, il n'y a pas plus parfait que ça comme jeu de Punisher. Là. Petite plug dans la série de Punisher Max, qui est vraiment extrêmement violente. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est Punisher, parce que l'origine du Punisher, c'est durant la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, il aurait comme une soixantaine d'années. Puis le personnage a 60 ans, justement, dans la bande dessinée. Donc, c'est comme s'il avait vieilli tout ce temps-là. Puis c'est beaucoup plus. C'est très, très, très, très, très, très violent, Punisher Max. C'est pas le Punisher des BD classiques. Vous avez Johan, qui est mon co-animateur, qui se fait buter dans une des BD. Il y a un des artistes, Michel Lacombe, qui est québécois. Okay. Il l'a rencontré, il l'a dessiné. Et c'est Johan pas de cheveux, il a des grosses lunettes pas de cheveux. Il se fait buter par The Punisher dans une BD. Quel honneur de se faire buter par The Punisher. C'est écœurant. Ouais, c'est que, chanceux. Puis là, lui, il se souvient jamais du numéro. C'est Punisher Max, Puis, frais, il s'en, non, mais il s'en souvient pas pour de vrai. Pour vrai? Non, il n'y est pas, il s'en souvient pas. Il sait à peu près c'est quel numéro, mais exactement c'est lequel. Quel honneur, c'est magnifique. J'aimerais ça, moi. Mais, Voyons donc. Pas tout le monde peut dire ça. Non. Non. Shit. Non. Mais oui, moi, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué d'un jeu de super-héros parce que c'est direct sa cible. C'est exactement ce que c'est Punisher. Punisher, c'est à mon avis, c'est ça. C'est dark, c'est hyper violent. Le personnage, il a vraiment des skills qui n'ont pas de bon sens, tu sais. Fait que c'était vraiment réussi, puis c'est pas un super-héros comme tous les autres. T'sais. C'est un vigilante. Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai bien aimé ça. Puis moi aussi, un autre jeu que j'ai aimé, bon, il y a X-Men Origins Wolverine, j'ai vraiment trippé fort. Les Batman aussi, j'ai adoré. Le premier Batman sur NES, pour moi, est excellent aussi. Ben oui. T'sais, les Ninja Turtles, super, des méchants bons jeux. Mm-hmm. Sinon, à part de ça, je pense à mes... Ben moi, je veux souligner Spider-Man à l'Atari. Oh! À ne pas oublier. Oui. C'est pas très bon. Tu bats contre le Green Goblin, il faut que tu montes un building sans arrêt. Là, les contrôles sont moyens. C'est un petit peu pénible. Il faut que tu évites des trucs, j'imagine. Des fenêtres avec du stock dedans. Là, C'est comme le Donkey Kong comme version Spider-Man. Non, c'est pas fameux. Il y a Superman aussi. Superman sur Atari. Jamais joué. J'aimerais ça de l'avoir. Mais moi, là, un de mes meilleurs jeux de super-héros, c'est Superman sur iOS. J'ai critiqué à Rétro Nouveau. C'est vraiment... un vieux jeu? Non, c'est un jeu tout récent. C'est un jeu. Un jeu de Superman qui est bon. Oui. Ouais, c'est le seul, je pense. Je pense que oui, il y en a pas. C'est pour des quickies, mais tu contrôles Superman à merveille. Là. C'est la meilleure façon de contrôler Superman puis te sentir puissant puis te sentir comme Superman jusqu'à date. Combien c'est quoi le nom du jeu? 99 sous, ça s'appelle Superman seulement. That's it, that's all. Eh bien. Fait que. Puis c'est quand même c'est une compagnie fiable qui l'a fait. Je me souviens plus, malheureusement. Mais c'est un bon jeu. C'est juste un bon jeu, bien fait, pour ce que ça devrait être, c'est ça, d'après moi. Okay, ouais. Superman. Moi, il y a Hulk Ultimate Destruction, qui est hallucinant. Sur PC, que, ça, non? PC, PS2, Xbox. OK. Pis c'est ça, là-dedans, Hulk, justement, Ultimate Destruction, c'est vraiment, tu te sens comme Hulk, puis tu détruis absolument tout. Là. T'es tout le temps puissant. Tu sautes tout le temps méga haut. Tu peux sauter d'un building à un autre. Puis c'est le fun, puis c'est un petit fun fact. C'est que ce jeu-là, c'est l'engin qui a servi à faire les jeux Prototype. OK. Fait que Prototype, c'est Hulk Ultimate Destruction, mais avec un autre skin. Mmh. C'est exactement la même affaire. Genre. T'sais. Puis c'est pas un genre de comme personnage qui a des pouvoirs dans cette... C'est ça, il y a des super pouvoirs, mais tu sais, quand il saute, puis tout ça, quand il saute, puis il fait un dash dans le ciel, c'était Hulk. Puis c'est The Ultimate Destruction qui a comme tout commencé ça, puis c'était la meilleure façon de faire un Hulk, en plus, parce qu'il était juste badass tout le long. Ce que tu veux faire avec Hulk dans un jeu vidéo... Tu veux tout péter. Tu veux tout péter, là. Tu peux pas être... j'ai un blanc, c'est Bruce Banner? Ouais, Bruce Banner. C'est ça. Tu veux, je suis comme vraiment intimidé. Je me dis comme fuck si je me trompe. Tu sais, il est là. Hey, j'oublie tout le temps plein d'affaires, moi, ça n'a pas d'accent. Mais tu veux pas être Bruce Banner puis faire de la recherche, là. Tu sais, si tu veux détruire. Ouais, ça devient Docteur Mario. Là. Ouais, c'est ça. Bruce Banner. Mais tu sais, c'était le fun. Dans Ultimate Destruction, tu peux prendre un tank par le canon, tu sais, puis swinguer, puis frapper du monde avec. C'était écœurant. Ok, ouais, c'est exactement Hulk. Exactement Hulk. Il y avait un jeu de Batman qui a malheureusement pas pris son envol, puis il y a quelques mois de ça, on avait trouvé les concept art sur internet, puis même c'est un steampunk parce que c'est basé sur une BD de Mike Mignola qui existe. Ça s'appelle Batman Gotham by Gaslight. C'est ce qu'on appelle en comic book du côté DC un Elseworld. C'est comme une possibilité, puis c'était comme c'était Batman à Gotham dans l'époque victorienne. Puis ça amenait toute une autre dimension au jeu. Oui. Et ils ont envisagé, puis t'as vraiment des séquences que vous pouvez trouver sur les internets, où Batman se promène dans Gotham victorien, puis c'est sûr qu'il y a des personnages qui bougent pas, puis ils font des tests de cap sur ses bottes, puis tout ça. Mais il y avait une bonne partie du jeu qui est en développement. C'est super intéressant comme prémisse. C'était pas basé mais ils ont laissé sur tomber. Jack the Ripper, cette affaire-là? En partie. Je sais pas si la BD, je l'ai pas lue, parce que j'ai lu des incarnations du personnage, mais pas l'original. Mais c'était en partie basé sur justement l'époque victorienne. Okay. ça aurait été intéressant. Non, c'est vraiment intéressant comme jeu. J'aimerais ça qu'ils reviennent d'ailleurs à ce genre d'idée-là avec. Là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec le prochain Batman Arkham, whatever. On a entendu des rumeurs que le Justice League Arkham va être dedans, World. Arkham World, que ça va être un peu plus à l'époque Silver Age, un prequel. Mais moi, j'aime ça quand ils modifient les mondes des super-héros, comme j'avais adoré la BD Red Sun. Ouais, Superman, Red Sun. C'est un Superman soviétique. C'est fucké. C'est vraiment fucké, mais tu sais, j'aime ça, ce genre d'univers-là. J'aimerais ça aussi qu'il y ait un jeu sur les jeunes, justement. Là, c'est quoi les Titans? Non, les. C'est ils ont, un ami, c'est un dinosaure. C'est quoi ces jeunes-là, si je me souviens plus? Ah, les Runaways. Les Runaways, que je trouve vraiment excellent, tu sais. Il y a un jeu sur Kick-Ass, mais j'ai pas joué. C'était un jeu à 15$, fait que je me suis dit quand... Kick-Ass, on dirait que ça... Le deuxième volume de Kick-Ass est sorti en comic book. Ouais. Le 1, il avait vraiment fait des vagues. Le 2, personne n'en parle, personne ne fait de commentaires là-dessus. On dirait que c'est... On dirait que la vague est partie. T'sais, je veux dire, le film va... Moi, j'ai pas vu le premier film, malheureusement, pas encore. Il est excellent. Il paraît qu'il est très cool, mais t'as-tu lu la BD? Oui. C'est quand même je trouve assez que violent. Par rapport c'est une belle adaptation. Par rapport à la BD, je trouve que c'est vraiment réussi. Là. Mais je sais pas, on dirait que en tout cas, pour moi puis pour plusieurs, la vague, l'intérêt pour Kick-Ass, c'est comme... Mm-hmm. C'est dommage. Mais c'est parce que c'est rendu comme plausible en même temps. Ouais. J'ai vu Super l'année passée, je pense que c'est après Fantasia. Ouais. Puis c'est un film avec Ellen Page, éventuellement je vais marier. Puis le dude qui fait Dwight dans The Office, je me souviens pas de son nom. Puis c'est Ron Wilson. Puis c'est vraiment une autre dimension. C'est pas Kick-Ass, mais disons que ça la cote. Puis c'est dans les mêmes thématiques de un dude qui veut mettre un costume puis aller péter des gueules et tu sais faire sa justice fait que Ah mais il y en a eu ça, il y a même eu un film ça Meteor s'appelait Man. Ouais, Meteor Man. C'est pas avec Eddie Murphy, c'est Meteor Man. Il me semble non, que ça Comet lui Man. Ressemble mais c'est pas lui. Non, c'est pas lui. T'sais, c'est genre il joue tout le monde dans la cuisine. Il y en avait des films de même dans le temps. Ah, c'était quoi donc? Il y avait un film sur le dessus c'était écrit Estevez et puis tu sais, un autre nom de gros acteur, là, genre, mais c'était pas Emilio Estevez, puis Estevez et Pitt, tu sais, c'était pas Emilio Estevez, c'était pas Brad Pitt, c'était genre Jack Estevez puis Ryan Pitt, tu sais, tout le monde, les flambeurs, c'était ça en français, les flambeurs, checker ça, man, la pochette la plus trompeuse, là, sur la Terre, man. Si vous pouvez mettre la main sur le film Cible primaire avec Jack Stallone, qui est le frère de Sylvester Stallone. Ah ouais? C'est horrible, man. C'est un rayon qui rend les gens complètement fous, comme genre zombie, mais violent. Puis si maintenant je te pogne puis je te crie après, genre, tu vas devenir toi aussi un zombie. L'histoire d'une squad qu'il faut les aider. Ah, c'est n'importe quoi. Aïe, aïe. Mais sur la pochette, Stallone. C'est ça. Fuck you. C'est mais moi, admettons, dessins animés, comme admettons qu'on parlait des jeux qu'on aimerait qu'il y ait de super-héros, tu sais. Moi, c'est plus un dessin animé, mais j'aimerais ça qu'il y ait un jeu à un moment donné d'Akira. Ou de. Tu sais, j'aurais aimé ça. Y en a-tu des jeux japonais? Moi, j'aimerais ça un jeu d'Albator, tu sais. Ouais. Pourquoi jamais personne ne fait rien avec Albator? C'est vrai, ça. Il y a tellement. Vieille franchise aussi, peut-être que c'est. C'est vieux, mais ça se ramène ça bien. Ça là, parce bien que moi, ben, tu sais, même Goldorak en. Ben, il avait ramené Voltron. Ouais, mais tu sais, Goldorak, Voltron, c'est cheesy, ça. Albator, il est dark, là. Il est vraiment dark comme personnage. Ouais. Il est super intéressant. Je pense que Dom, il aime les pirates, c'est pour ça. Dom, il aime vraiment. C'est vrai, je parlais de pirates. Non, mais ça n'a pas tant rapport, mais tu sais, c'est vraiment comme lui, tu sais, il n'y a pas d'émotion, là. Puis sa guerre, là, contre les Sylvides, man, puis tout, c'est épique, là, Albator, vraiment. Là. Des beaux fanfilms ou des teasers fanfilms sur Internet. Ouais, sur Albator, ça donne vraiment un goût de voir un film ou un long métrage. Ah oui, puis je sais pas, c'est pas exploité, ça. Malheureusement, mais il y a du power là-dedans, comme ça, pas d'allure. J'aimerais un jeu Nightwing. Moi, j'aime Nightwing. Oui, moi aussi. Ça mériterait de Nightwing. Mais oui, puis Nightwing dans les comic books, avant que DC Comics fasse son reboot en octobre dernier, en septembre dernier, il a pris la place de Batman. Ouais, c'est il faisait un Batman complètement différent. T'sais, l'approche était différente. Puis Dick Grayson, qui est comme le premier Robin qui est devenu Nightwing, pour les gens qui ne le savent pas, ben c'est un gars beaucoup plus positif, beaucoup plus acrobatique. Il y a une autre approche à ses activités de vigilante. Puis moi aussi, j'aime Nightwing. Puis, ce qui est le fun avec les jeux vidéo, contrairement, mettons, même les téléséries, ça serait une possibilité, mais il y a beaucoup plus de chances que ce type de projet-là existe qu'un film. Ouais. Parce que si demain on ferait un film de Nightwing, on voudrait absolument le relier à les films de Nolan. Ouais. Ou l'expliquer pour le, ouais, le public. Parce qu'on les prend pour des caves. Ils sont pas capables d'aller voir ça à Wikipédia deux secondes. Mm-hmm. Ouais, où ça se situe. Mais ouais, Nightwing, ça pourrait être vraiment intéressant. Ben oui. D'ailleurs, la skin est disponible, je pense. C'est juste la skin, ouais, je pense, c'est ça. Oui. Mm. Bon, ben Nightwing. Ben, Nightwing. Oh, on va arrêter ça. Ça fait une heure qu'on parle de ça. On a d'autres choses à dire. Ouais. On s'en va en musique avec Super Castlevania 4 au Super Nintendo, la toune du deuxième stage dans la forêt. Vas-y, mon go ben. For it. Ben, explique-nous ça. Sonic. Ben oui, Sonic, c'est quoi c'est ce Sonic? Sonic? Ben, c'est une chaîne de stations d'essence. Oui, de drive-in aux États-Unis. Hein. Exactement. Mais c'est aussi la mascotte de Sega qui ont feu console feu de Sega. Alex Kidd. Oui, qui était l'ancien personnage avant que personne se souvient, que moi j'ai juste comme appris l'existence en recherchant sur et Sonic. Et en écoutant l'épisode de Rétro Nouveau sur YouTube. Oui, exactement. On parle non, de je l'ai pas vu. Éventuellement, probablement, je vais y retourner. De juste souvenir Alex la Kidd d'aller voir ça. Mais après qu'Alex Kidd a pris sa retraite, même j'ai même la date, 91, le 23 juin, ça c'est précis. Et c'est fatal. Ça c'est fatal, c'est une fatality. De Sonic qui est venu au jour. En fait, c'est vraiment un personnage, puis c'est pas compliqué à comprendre que il est venu, il a été établi pour venir faire compétition à Mario du côté de Nintendo. Le personnage était tellement iconique, tellement populaire également. Quand même, Sega, malgré tout, a réussi à remporter sa partie. 80 millions de jeux de Sonic ont été vendus à travers le monde depuis 91. C'est assez incroyable. Moi, comme j'ai dit en début d'émission, je suis plus je suis comme toi, je pense plus un old school gamer. Et j'ai vraiment joué aux quatre premières installations de jeu. Donc, Sonic, Sonic the Hedgehog 2, 3, Knuckles, qui n'est pas le 4. Le 4 est sorti récemment. Ouais. En fait, le 3 a été divisé en deux parties. Et Sonic & Knuckles est la deuxième partie du niveau 3. Ah, c'est donc, ça. Si même si. Parce que le 4 aussi était un top loader, tu pouvais mettre une cassette par-dessus Sonic & Knuckles. Au Genesis, jeux. Le 4. C'est au Genesis. Non, le 4, c'est au Xbox. Xbox. Mais Knuckles. Knuckles, excuse-moi. Knuckles, c'est ça, c'est un top loader. C'était dans le temps des cossins, puis on s'entend que le Genesis, Genesis en avait comme beaucoup. Il y en avait trop. D'ailleurs, il y a un excellent épisode de... comment il s'appelle? Angry Video Game Nerds. Où est-ce qu'il essaye juste de plugger tout ça, puis ça marche juste pas. C'est incroyable. Power Supply, il a plus fait. Ah, man, c'est horrible. C'est vraiment... Ça, ça a pogné en feu, quelque part, c'est certain. Drôle. Mais t'avais la cassette exactement de Sonic and Knuckles. Tu pouvais mettre une cassette de Genesis par-dessus. Mm-hmm. Ouais. C'est ça que Genesis. Puis on avait accès à des bonus levels. Tu sais, les bonus qui étaient infaisables, là, c'était genre sur une sphère avec d'autres boules bleues qu'il fallait que tu convertisses en rouge en roulant dessus. Moi, personnellement, j'ai tout le temps pogné les nerfs avec ces nouveaux-là. Je sais pas si t'en souviens. J'ai jamais joué, moi. Oh my. Moi, je m'en souviens, puis je détestais ça. Je pense que c'était un add-on, que c'était un gadget. Ah, tu savais pas que c'était un gadget? Ben c'était, non, c'était, je savais pas. C'est assez particulier. C'est une drôle de bête. Ouais. Mais quand tu mettais la cassette 3 par-dessus, ça faisait ce qu'il appelle Sonic 3 and Knuckles. Donc, tu pouvais jouer le 3 dans sa totalité. Okay. Ils ont divisé le jeu à l'origine parce qu'il y avait, bon, financièrement, c'était comme pas, c'était pas rentable, puis des questions de temps. Donc, les noms des créateurs, Naoto Ushima, excusez mon japonais, Yuichi Naka, qui était un programmateur, un designer, et Nirukatsu Yashuziaka Raza. Ah, si, je suis pas grave, désolé. De toute façon, ils vont pas me péter à gueule. Donc, qui ont créé la première apparition. On parle de plusieurs jeux. Là, si tu vois, j'ai fait la liste au complet, mais je vais juste nommer les 10. En fait, je vais nommer jusqu'à temps que vous me disiez d'arrêter, OK? Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD, Sonic the Hedgehog Kara, Sonic Spinball, Sonic the Hedgehog 3, Sonic Drift, Sonic & Knuckles, Sonic Game World, Talias and the Music Maker. Ça, c'était Tales and the Music. Ouais, ça, c'est un jeu de Tales, comme il y avait ses premières. Ah ouais. Ses propres trucs. Eh, écoute, il y en a tellement des dizaines. Non, je suis putain. Ça me tente pas. La liste. Mon préféré, j'ai fait une joke plate, c'était Sonic chez Weekend chez Bernie, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, comme toute bonne franchise de jeux vidéo, ça a engendré des produits dérivés, ce qui est plus mon shtick ou mystérieux étonnant, dont des dessins animés. Il y en a eu plusieurs, et il y a eu plusieurs spéciaux. Donc, il faut un petit peu démêler tout ça. Pour les gens qui connaissent, est-ce que vous connaissez le Nostalgia Critic, That Guy with the Glasses? Oui. C'est un Américain qui fait des vidéos justement sur des trucs rétro. C'est là qui a fait les trucs en 5 minutes aussi. Oui, exactement. C'est Resume a Film. Oui, c'est ça, exactement. C'est Resume des films en 5 minutes. Il y a tout un portail. Je pense qu'il fait. Je dirais pas nécessairement qu'il vit de ça, mais il est assez connu du côté des États-Unis. Oui. Et lui a fait une excellente critique de deux séries de dessins animés de Sonic qui existent. Sonic Adventure of Sonic the Hedgehog, qui est plus humoristique, et le classique, qui est beaucoup plus dark, qui est beaucoup plus basé sur les jeux vidéo, Sonic the Hedgehog, tout simplement. Sonic the Adventure of the Hedgehog. Adventure of Sonic the Hedgehog. De toute façon, c'est pas grave si je manque le mot. C'est humoristique et c'est vraiment, comme il dit, tongue-in-cheek, mais c'est vraiment pas intéressant. OK. Puis surtout pas avant le premier, celui que tout le monde trippe, Sonic the Hedgehog, qui maintenant a été poursuivi par après en bande dessinée. Wow. Il disait qu'il y avait 237 comics de Sonic qui existaient. Et canoniquement, c'est assez fou. C'est ce qu'on dit. Qui dit ça? Tu sais, je savais même pas. Ben, tu vois, je me disais, je sais pas moi. Ben non, c'est ça. J'en lis en tabarnouche du comic book. Oui. Mais c'est assez incroyable. Et c'est considéré comme canonique. Parce que la série Sonic the Hedgehog, en dessin animé, a fini sur ce qu'on appelle un bon vieux cliffhanger. Pas le film avec Arnold, mais Stallone. Là. On parle de... Tu sais, c'est fini sur une espèce de... Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, mais oui, a été poursuivi en comic depuis ce temps-là. C'est publié chez Archie Comics. Oui. Depuis ce temps-là. Je pense que c'est 93-94, le premier comic book de Sonic. Donc, c'est assez intense. Sinon, il y a une panoplie de spécial de Noël qui vont tout avec savoir. Le cheese c'est ça, qui vont avec The Adventure of Sonic the Hedgehog que vous voulez juste pas écouter, d'autres petits vidéos en 3D qui sont juste plus ou moins intéressants. Sinon, au niveau de bande dessinée, je l'ai résumé, Archie Comics publie depuis toujours. Et sinon, bon, vous m'avez parlé de résumer des trucs pour les héros et les vilains. Je pensais en connaître beaucoup. Encore une fois, en regardant l'encyclopédie des Sonic, je me suis rendu compte que ça marche pas. Je conseille un petit truc aux auditeurs. Moi, c'est ce que je fais. Il y a souvent des recherches que je fais par rapport au comic book ou des trucs, des wikis spécifiques. Wikipédia est intéressant parce que tu as beaucoup d'informations, mais faites une recherche Google, par exemple, de, disons que c'est Sonic. Sonic Wikia. C'est excellent pour les sources d'informations. Ouais. Et c'est des wikis beaucoup plus remplis, mises à jour également. Ouais. Je voudrais pas le nombre d'entrées qu'il y avait pour les wikis. Je pense que c'est dans les 5000 cucs, presque 6000 entrées pour le Wikia. Il y a tellement de monde qui adore Sonic. Assez intense. Saviez-vous que Sonic avait une petite amie? La seule en rose. Ouais. Je me souviens pas de son nom. Ça tombe bien, elle s'appelle Amy Rose. Ah, Amy Rose. Hein, créée en 93 pour le Sonic sur CD. Sonic CD. Ouais. Je me souviens encore à ce jour l'annonce de As-tu ton Sega CD? Ouais. T'as-tu vu les jeux au moins? Oui, et c'était de la crap. Oui. Donc, Snatcher. Tu vois, j'ai pas Snatcher, joué. Snatcher, c'est pas mal le seul jeu là-dessus que ça vous prend. Mes connaissances ont arrêté pas mal à la bande annonce. C'est drôle parce que dans l'univers de Sonic, et ça c'est important de spécifier, les biographies vont changer au niveau des personnages selon l'incarnation, que ce soit les jeux vidéo classiques, que ce soit les adventures, que ce soit les comic books, que ce soit les dessins animés. Donc c'est là où ça devient à un moment donné un fouillis ou un wiki intéressant comme Wikia peut venir comme un peu démêler les choses, mais il faut rechercher. Donc on peut comprendre que, mettons, tu disais Generation est peut-être une continuité des Sonic classiques, mais les autres ne le sont pas nécessairement. Donc il faut fouiller un petit peu. Moi, mon préféré, j'ai une préférence pour les Underdogs. Oui. C'est celui qui est apparu dans Sonic the Hedgehog 2, notre ami Tails, que je ne savais pas, mais qui avait un nom composé, Miles Prower, qui est comme un espèce de jeu de mots pour Miles Per Hour. Attends. Oh! C'est malade. Mais c'est quoi son nom? Prowler? C'est Prowler. Regarde ça que je l'ai écrit ici. P-R-O-W-E-R. Prowler. Miles Prower. Comme Miles Per Hour. Malade. Donc, Tails, parce qu'il y a deux queues, hein, on aimerait, en tout cas, mais qui permet de probablement, quand les Japonais le disent, ça sonne comme Per Hour. Ouais, mais tu veux vraiment... Jamais... Ouais, ça, c'est plus... C'est plus comme ça que c'est en japonais. Je sais pas, encore une fois, j'ai trouvé ça weird. Saviez-vous que Tails avait 8 ans? Ah non, j'avais pas 8 ans. Ben, attends, 8 ans en âge de Porc-Épic. Peut-être que c'est pas un Porc-Épic. C'est pas un Porc-Épic, c'est un renard. Lui, Sonic a 15 ans. Ah, Tails, excuse-moi. Tails a 8 ans. Sonic a l'air d'un ado. Ben, un renard de 8 ans. Mais Sonic, c'est ça l'affaire. C'est qu'il faut que tu le mettes dans le contexte des années 90. C'était dans le temps des mascottes, là. Des mascottes, mais tout était extreme. Ouais. Il était extreme, cool. Sonic avait les bottes, les stripes. Ouais, c'est ça, exactement, les super bottes. Il y a même une vieille illustration où Sonic a des lunettes fumées puis il est descendu. Un peu pour qu'on voit ses yeux. C'est Pucci dans les Simpsons, mais qui peut courir vraiment vite. C'est vraiment Pucci, tu sais. Puis la blague est là parce que dans les années 90, t'avais tout un personnage super cool. Quand il y a Pucci. Moi, je déteste, j'adore détester Pucci. Ben oui. Mais si, puis en plus, Pucci, genre, au niveau du design, là, on fait un aparté, mais j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait fitter dans l'univers de Sonic. T'sais. Il prend son skate, il va super vite. T'sais. Mais c'est ça, je trouve que contrairement à Mario, Sonic, c'est comme un justement, c'est un personnage des années 90. Mario, il s'adapte intemporel, avec un peu, les Mario, années. Ouais, il est intemporel, voilà. Mais lui... Ben, Mario, il est plus une création originale, comme un peu n'importe quoi. Ouais. Puis Sonic, il a été créé dans une époque. Mais c'est un humain, Mario. T'sais. Parce que Sonic a été une réponse à Mario aussi. Ouais, donc c'est sûr qu'il fait partie de son époque. Mais Mario, il est pas... C'est un plombier, t'sais. C'est n'importe quoi. Puis ce n'importe quoi-là, ils l'ont fait vivre. T'sais. Ouais. Tu peux... Puis c'est correct. Puis c'est pour ça que c'est intemporel. T'sais. Mais une création dans une année très typique, t'sais, faite pour faire de l'argent... Ça ressent un petit peu pareil. Mais il s'en sort bien. Là, il parce s'en que sort super bien. C'est pas, c'est il pas s'en pas sort mieux date, que Pucci, man. Ça, c'est, ouais, ça, c'est pas mal mieux que Pucci. C'est intéressant parce que vraiment, il y a un culte probablement plus au Japon qu'ici pour les personnages de jeux vidéo, mais les personnages de type manga japonais. Mm-hmm. Et Tails a été voté le troisième plus populaire personnage. Donc, après Sonic Shadow, qui est son équivalent anti-héros, qui est comme une espèce de clone. Ça fait penser beaucoup à Spider-Man, il y a eu la clone saga. Ouais. Une espèce de clone de Sonic noir, comme un peu badass. Okay. Puis t'as comme Tails en. Ah là, tu parles des personnages les plus populaires au sein de. Au sein de la franchise au grand complet. Okay. Au grand complet. Il y a un des personnages qui est un petit peu moins connu qui s'appelle Knuckles, qui apparaît pour la première fois dans le troisième jeu de Sonic the Hedgehog, qui est vraiment un Christy de bon jeu, dans lequel on avait des semi-boss. Ouais. On n'avait pas des boss de tableau. Ah. On avait, à un moment donné, tu te promenais en tant que Sonic. Puis là, tu voyais, je marche, puis il n'y a rien. Puis là, t'avais « Come on! » Puis là, t'avais l'espèce de boss qui arrivait. C'est le fait le plus intéressant par rapport à Knuckles, à part que c'est un badass, c'est que c'est un dude. Oui. Ouais. C'est pas la blonde de Sonic. Mais il a tellement l'air d'une fille, Knuckles. Ben, tu sais, il y a même la coupe de cheveux. La coupe de cheveux. Ouais. Donc, je suis désolé, Knuckles, mais si on t'a pris pour pendant ce temps-là, pour une fille... Ben, moi, j'ai jamais pensé à ça. Non? Non, je trouvais que c'était plus Rasta. Ben, il y a pas de Rasta. Il y a un look Rasta, quand même. Il y a ça, mais il y a les yeux aussi, des espèces de petits yeux fins avec des longs cils. Ah, voici. C'est Knuckles, tu sais, ses points américains peuvent sembler être des petits diamants. Tu sais, il y a comme tout un gros côté féminin autour de Knuckles. Même moi, j'avais quand j'étais jamais jeune, pensé ça, j'étais moi, sûr que c'était une fille. Ouais. Surtout que sur Internet, il y a beaucoup de dessins, j'imagine, de gens qui veulent que Sonic puis Knuckles, ça soit un couple gay. Ah non, de Sonic ouais, du fan Knuckles, art de porn. Ouais, du fan art de porn, il y en a en maudit sur Sonic. C'est troublant. Là. Mon Dieu. C'est vraiment troublant. Check sur... t'as juste à chercher Sonic sur... Non, même pas porn, mais juste Sonic dans... Le truc d'art là, qu'on prend souvent des trucs Deviant là-dessus. Art. Deviant Art. Tu cherches Sonic là-dessus, là, puis là, tu vas faire comme... Mais là, c'est pas ça, j'ai cherché. Tu vas juste faire Sonic, puis il y en a plein. C'est vrai que comme Deviant Art, c'est vraiment un dépositoire de vraiment... Il y a tellement de belles choses. Il y a des belles choses incroyables. Il y a des belles choses, mais tellement de la crap. Il y a vraiment beaucoup n'importe crap. Quoi. Il y avait un faux cover de Superman de DC Comics dans le temps qu'il a fait le reboot en septembre, oui. Que le monde avait repris pour faire des news sur leur blog mutuel, genre. Du nouveau DC Comics, le costume, c'était juste un dude qui avait fait un fan art comme ça. Il était tellement bien réussi que les gens s'étaient trompés. Mais ça, c'est là où Knuckles apparaît, qui fait l'espèce de pivot dans la série. Je suis pas un expert au niveau mythologique de Sonic, mais c'est là où ils sont passés à Angel Island, qui est l'espèce de deal qui est dans Sonic 3, qui est dans Sonic and Knuckles, et qui se poursuit, en tout cas, les aventures de ça, dans Sonic 4. Mm-hmm. Donc, Knuckles était l'espèce de gardien de cette place-là. Ouais, et au début, on pense que c'est un ennemi parce qu'il a été manipulé par Robotnik. Ouais, Robotnik lui a dit « Hey, c'est eux autres les méchants, c'est Tails, puis c'est Sonic. » Donc, attaque-les, défends ton île. Ouais, et c'est éventuellement, je pense que c'est dans le 4 qu'ils deviennent alliés. Et tu peux jouer en tant que Knuckles. D'ailleurs, le jeu Sonic and Knuckles, si tu mettais les anciennes incarnations du jeu, donc le 1, le 2, le 3, tu pouvais jouer en tant que Knuckles dans des tableaux qui avaient été réservés à Sonic. Ouais, c'était super cool. Ouais. Wow. Puis je pense que Sonic 1, tu avais un code à faire et justement, tu avais accès au niveau avec Knuckles. Mais ça, je suis pas très, très certain. On parlait de Shadow, l'anti-héros. Et sinon, le plus après Bowser, qui t'a? Ah, ben écoute... C'est vrai, pareil. Après Bowser, Kita, c'est une bonne question, ça. Du côté des jeux vidéo classiques de console, pour moi, ça a tout le temps été Robotnik. Ouais. T'sais, le personnage, à la base, a été conçu pour être l'espèce d'antipode de Sonic. T'sais, Sonic, on disait le cool, radical. Mais l'autre, il y a une moustache. Pour moi, il y a une moustache, il est gros, il est rond. Ouais. Pour moi, quand j'étais jeune, c'était Dr. Willy le deuxième. J'avoue que Dr. Willy est quand même parce badass. Parce que j'aimais plus Mega Man, fait que là, j'étais comme « Ah, Dr. Willy, mais c'est le méchant. » Dans Mega Man... Parce que Robotnik fait sensiblement la même chose que Dr. Willy. Oui, puis lui aussi, il a une moustache. Ouais. Donc, dans les jeux vidéo, si vous portez une moustache, c'est rare que vous êtes comme... Attends, Willy, il n'y avait pas de moustache, me semble. Oui, il y avait une moustache. Une moustache. Oh, tu peux pas être un mad scientist sans avoir de moustache, même. T'as pas le choix, c'est ça. Ben, il y avait des sourcils, mais Ah non, il y avait une grosse moustache. Une grosse moustache, OK, bon. Oui. Hey, c'est sûr, là, voyons. Ben, puis Robotnik, il me semble, je sais pas si je me trompe, mais tu sais, d'après sa shape, il y avait la moustache. J'ai toujours pensé que Robotnik, c'était un robot, que c'était pas un humain. On pouvait pas. Ouais, non, mais c'est vraiment un humain, tu sais, comme le truc classique des super-vilains, c'est de contrôler la Terre. Ouais. Et comme dans la série, justement, de dessin animé, qui est la plus dark que j'ai parlé tantôt, le Sonic the Hedgehog, il convertissait justement les animaux en robots. C'est probablement plus de là que cette notion-là qui transformait des êtres vivants en robots vient. C'est pas tant les jeux. On l'a pas vraiment vu dans les jeux. On sauvait des animaux, mais qu'est-ce que était vraiment la signification dans les jeux? Ouais. Ça voulait pas rien dire. Puis même si tu ne sauvais pas à la fin, comme tu disais tantôt, il n'y avait pas vraiment d'implication au niveau. On s'en sacrait pas mal. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que Robotnik, qui est comme aussi appelé Eggman. Ben à cause de sa face, qui était son nom officiel au début, qui est éventuellement devenu un nickname. J'ai son nom complet, je vais essayer de le retrouver ici pour pas lui faire de faux. Ouais, c'est vraiment. En tout cas, attends une minute. Ouais, c'est ça, il est là. Dr. Julian Ivo Robotnik. Sa mère l'appelait Julian, probablement. Julian? Julian. Julian. Il n'y a pas eu assez de câlins. Ouais, voilà. Julian. Colin. Puis, un autre fait intéressant, il était conçu à l'origine parce qu'il était facile à dessiner pour les enfants. Donc, on a eu faire quelqu'un, un ennemi, pas juste qui est à l'opposé de Sonic, mais que les enfants pouvaient dessiner. C'est une bonne idée, ça. Parce que je sais pas, pour vous, mais en tant qu'enfant, j'ai passé des heures dans les manuels de jeu. Mon préféré étant Mario Bros. 3. Je sais pas combien de temps j'ai passé dans, à regarder les Joe Marteau. Ou les, tu voyais tous les ennemis. Tous les ennemis qui étaient là. Voilà. Donc, voilà pour Sonic. Nice. Qui mais là, comme je vous dis, il y a une autre panoplie là, de jeux. Il y en a facilement plus qu'une vingtaine. Des adventures. Puis c'est pas tout le temps des bonnes, des bonnes affaires. Non. Ils ont pressé le citron pas mal. Celui au Dreamcast, il était quand même excellent. Hein? Il était très bon. C'était Sonic quoi, Adventure 2. Ça, c'est très bon. Puis il y a Sonic Rush Adventure sur la DS qui est très très très bon aussi, un super bon jeu de DS. Que je vends sur Club Gamer. Sonic aux Olympiques avec Mario là. Ben oui, c'est fort de savoir quand même que c'est drôle que ça rencontre Super Mario Bros. J'aurais cru ça là, possible. Ah non, c'est venu fucker nos cerveaux dans vraiment, vraiment. Mais c'est pas dans un jeu de Mario Smash Bros. Qui est apparu à un moment donné. C'est vrai. À la fin, comme il vient aider. Puis, Son début chez Nintendo. Oui, exactement. C'est ça. Ah, c'est vraiment c'est comme un film japonais où t'as quelqu'un qui fait de quoi, puis là, ça devient noir, puis t'as une ligne lumineuse qui passe à travers l'écran. Puis là, après, c'est comme le gars qui est là, puis il se retourne, puis c'est l'ennemi, l'allié, qu'importe. Là, c'est... Hey, man, c'est donc bien épique. C'est super épique. Tu tombes là-dessus la première fois de ta vie, man. T'en as. Mais joue à un jeu de Nintendo. Mais j'ai un ami qui jouait à ce jeu-là, puis il me dit que ben ça, il arrive ça à la fin, mais il m'a pas dit c'était quoi. Ouais. J'ai dit, waouh, man, c'est Sonic. Puis après, tu veux pas contrôler Sonic parce que t'es rendu tellement loin dans le jeu que, puis en plus, il est pas contrôlable. Okay. Mais il y avait de quoi de justement épique dans le fait que t'as Mario puis Sonic qui peuvent prendre un café ou une bière ensemble. Possiblement, peut-être un jeu de Mario, ça pourrait être assez. Pourquoi est-ce qu'il en faut pas un jeu Mario and Sonic? Ça, probablement. Ça serait cool. C'est Weekend chez Bernie, ça. C'est, moi, je suis sûr que c'est ça. Sur la Wii U, là, ça doit être faisable. Ah ouais. Mario, ils ont les droits. Mélangés, non, mais c'est parce qu'ils. Un ferait quelque chose sur le petit écran, puis l'autre, tu sais. C'est ça. Ils vont probablement faire un genre de All-Star, puis finalement, Sonic va être là. T'sais. Un RPG, genre. Mais moi, je veux. Moi, mais c'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux un platformer avec Sonic et Mario. Les deux, là. Genre, tu ramasses des scènes. Les scènes, c'est à live. Quand tu fais toucher, ça revole. Mario peut aller super vite turbo là, tu sais, avec ses bras de chaque bord, comme quand il fait l'avion, il peut suivre Sonic. Bowser et Chum et Robotnik. Bowser puis Robotnik qui font une style de île de robot. Là, mais ça c'est un Christmas special, tu sais. C'est Robotnik puis Bowser volent Noël ou l'esprit de Noël. C'est vrai. Ça. S'allie, vrai. Ça serait possible en tout cas. Mais là, vous autres là, si vous aviez là un ou des meilleurs jeux de Sonic, ce serait lesquels? Moi, j'ai joué à juste au Genesis, au 1 et au 2 et au Spinball. Et c'est déjà pas mal. C'est juste 3 jeux. Fait que je dirais que le 2 est plus complet que le 1. Spinball, c'est d'autres choses. C'est un jeu de Sonic 2 au Genesis, c'était mon meilleur là, dans ces 3-là. Je pense que c'est le 3 puis le Sonic and Knuckles, qui est pas le 4, là, qui est le 3 divisé en 2. Mais c'est là où il y avait ajouté quelques petits bugs. Dans le 2 aussi, t'avais commencé à pouvoir. T'agenouiller, spinner. Il y a beaucoup de liens avec Megaman. Megaman, tu as commencé à pouvoir booster dans les premiers jeux aussi. Booster à partir du 4. Il y en a un que tu peux pas comme t'agenouiller aussi à un moment donné. Ils l'ont fait. Il y en a un, c'est comme en chip. Oui, mais c'est ça, c'était comme la grosse affaire du jeu. C'est qu'en plusieurs années, il l'avait jamais fait. Là, il le faisait. Je me souviens pas duquel, par contre. Mais c'était pas un bon Megaman anyway. Mais ça se peut, ça. Peut-être au 7 ou bien au 8, mais. Ou un Megaman X. Même à ça, j'ai jamais vu Megaman se pencher. Fait que tu dashes pour te pencher. Megaman X, là, justement, le robot rouge, encore une fois, comme dans Cold. C'est un dude. C'est un robot dude. Le rouge, je sais pas, il y a comme des parallèles avec Knuckles. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des parallèles. Mais c'est ça, moi le Sonic, le deuxième. En refaisant les Sonic, le deuxième, il y a comme une place spéciale dans mon cœur. Je trouve qu'il joue bien, il se fait bien. Le design des tableaux est écœurant. C'est vraiment bon. Sinon, comme plus tard, Sonic Colors, vraiment, j'ai vraiment, vraiment aimé ça, ce jeu-là. Sonic Rush Adventure Rush, que j'ai beaucoup aimé aussi sur DS. Puis sinon, à part de ça, dans Sonic, bon, il y a le Sonic Spinball, il y a Sonic Pinball Party, qui est sur le Game Boy Advance. Ah ouais, t'as que j'ai beaucoup aimé. Si jamais tu trouves ça. Tu sais qu'il y a aussi Mario Pinball Land que j'ai fait la critique. Puis il y a aussi Kirby Pinball Land. Oui. Est-ce qu'il y en a des affaires pinball au Game Boy Advance? Nintendo adore ça, les pinballs. Ouais, mais tant mieux. Il faut dire que quand t'avais le Game Boy Advance, t'avais un petit peu la forme pour aussi pour jouer à un pinball. Ah non, c'est parfait. Là. Ouais. Mais non, sinon, moi, mon meilleur jeu de Sonic, je pense que là, c'est Sonic Generations. Là. Ouais, c'est ça. Hein. Je trouve qu'ils ont tellement bien tout ce qu'il y avait de Sonic, tout ce que j'aime de Sonic est là-dedans. Là. C'est vraiment le fun. Avez-vous déjà joué au Sonic sur le Game Gear qui est également disponible sur la Virtual Console? Ouais, j'ai joué. Ça m'intéresse. Oui. Mais moi, je suis un des seuls qui a eu le Game Gear quand j'étais jeune avec 6 batteries. Puis c'était une espèce de mastodonte. Cher, là. Ouais, tu sais, t'aurais pu jouer à clou avec ça. Ouais. Ben, dans cuisine avec le Game Gear. C'était incroyable. T'sais. Mais c'était pas un bon Sonic. Non. C'était difficile, puis tu sais, avouons-le, ce qui tuait Sonic, c'était un peu comme Mega Man, c'était des pics puis des trous. Ouais. Ouais. C'est parce que si t'envoyais justement Sonic dans une série de loups, tout pendant ce temps-là, tu peux aller prendre un sandwich. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais c'était radical! C'était les années 90. Mais je me souviens aussi que sur Game Gear, t'sais, l'écran est petit, puis le sprite de Sonic était quand même gros, puis l'écran était carré. Ouais. Fait tu vois rien. T'as pas de place. Ça va super. Tu passes ton temps à faire des leap of fate, genre, dans le vide, puis en espérer de pas mourir. C'est vraiment ça. Mais c'est le bateau, c'est le tableau de dos. Finalement. Ouais. Parce que justement, Sonic qui se posait aller vite, c'était comme ça qu'il le vendait. D'ailleurs, tu sais, puis là, ça arrête lentement. Ça arrête lentement. Puis dans l'eau, il faut que tu ailles c'est pas comme Mario, lui, il peut pas respirer en dessous de l'eau. Faut que tu ailles chercher des bulles. Ouais. Puis la toune était très stressante quand tu manquais. C'était malade. C'est aussi paniquant dans Sonic Generations. Ah ouais. Il l'a ramené, puis c'est stressant. C'est vraiment stressant. Et en tout cas, sur Facebook, on a eu des nouvelles aussi par rapport à Sonic. Il y a Jean-François Bourré qui dit « Sonic & Knuckles » puisque le jeu sert aussi à jouer à Knuckles à Sonic 2 et 3. C'est ça, voilà. En fait, je disais ça, mais c'est lui qui m'a appris que Sonic & Knuckles, c'était un objet. C'est pas toi. Désolé. Parce qu'il est venu me l'acheter. Jean-François Bourré. C'est lui qui est venu m'acheter Sonic 3 que tu voulais, mais que finalement on s'est pas vu et ça donnait pas. Fait que c'est lui qui l'a acheté. C'est ça qui manque d'ailleurs. Si c'est des GIF sur Twitter, si je me trompe pas. Ben, il dit de dire GIF, mais D-J-E-E-F. Ouais, c'est ça. Y a Benoît Bédard qui a dit pour la nostalgie et le fait que c'est le premier jeu de Genesis que j'ai joué, je dois dire Sonic the Hedgehog 2. C'est cool le 2. Il est super bon. Puis à partir du 2, l'histoire continue, c'est le fun. Ouais, c'est un ça. Épisode après l'autre. C'est avec l'espèce de. Le Dead Head Station, qui est l'espèce de d'étoile mort de Robotnik. Ouais. Qui pète dans le 2, qui tombe dans le 3 sur le Angel Island de Knuckles. Ok, ok. Puis qui remonte, puis qui repète dans Knuckles. Frédéric Lalonde qui dit « Mon jeu préféré de Sonic, c'est Sonic the Hedgehog 2. J'ai passé tellement de temps là-dessus sur ma Genesis. » Il venait aussi bundle avec le Genesis modèle 2, je pense, là, ou quelque chose de même. Peut-être pour ça que tout le monde a joué à ça. La finale n'était pas évidente, par exemple, du jeu, parce que si tu te rendais au Sonic mécanique, qui n'était pas le mec Sonic qui est venu par après, là, mais c'était le fun parce que tu mourais, si tu mourais, tu recommençais, mais tu n'avais plus de scène. Donc, il était très difficile parce que t'avais pas beaucoup de place où tu pouvais le tirer. C'est sûr que si tu sautais sur ces pics en métal, ben tu perdais, tu mourrais. Il y a Sébastien Bouchard qui dit « Celui auquel j'ai le plus joué, c'est Sonic Spinball au Game Gear. » Oui, monsieur, Gear. Voilà. après ça, Mathieu Lamar dit « Sonic CD était le meilleur et de loin. » Ah ouais. J'ai jamais joué à Sonic CD. Il est sorti sur iOS puis sur PSN XBLA dernièrement. Ok. Je vais essayer de me poigner ça. Maxime Tremblay, Sonic 2. Jean-François Cromp, notre caméraman, Sonic CD et Sonic Spinball. Ah. Tu as vu quand même. Il y a personne qui a dit le trop, Knuckles. Non. Alex Terrio Pino dit « J'ai pas joué à Sonic Generations encore, mais j'arrête pas d'en entendre parler en bien. J'ai hâte d'entendre votre critique. » Eh bien, voilà, t'es servi. Et pour Sonic, la série originale sortie sur Genesis. Depuis Sonic Heroes en 2003, tous les jeux de Sonic étaient pourris, sauf Secret Ring sur la Wii et Generations. Secret Ring. Mais oui. Secret Ring, Ring, moi, j'ai pas vraiment aimé, mais c'est bon qu'il y ait quelqu'un qui a aimé ça. Pas entendu parler de ça. Non, je trouve on apprend des choses. Ouais. J'ai pas aimé ça. Ah. Pascal Lavoie-Archambault dit définitivement le deuxième, il a bercé mon enfance. Et voilà, un autre. Après ça, juste un instant, on est encore dans les affaires là tantôt. Charles-Étienne Gervais qui dit pour Sonic, le 2 au Genesis reste mon préféré. Maxime Tremblay, la chance, Sonic 3 et Knuckles définitivement. Nice. Daniel Guérard, j'ai pas vraiment de jeu Sonic préféré, mais mon pire, c'est Sonic R. Ah! Sonic R? C'était un genre Sonic Racer, il me semble. Pire jeu de course ever. Oui, un jeu de racing de Sonic. Joanie Bernier, Sonic 2, best game ever avec un cœur. Non, mais le monde a vraiment apprécié Sonic 2. Oui. Ouais, c'est à cause de Tails. C'est à cause de Tails. C'était la cool, pochette, Tails. La pochette avec le cœur. La pochette, c'était cool. Steve Tremblay dit, bien d'accord avec Joanie, Sonic 2 sur Genesis. Encore une fois. Emmanuel Vincent, Sonic 2, maudit que j'ai joué au Genesis, dont j'ai pas assez proche de faire le tour. Maudit, frustration au dernier boss, comme tu disais tantôt, Ben. Ça, ouais. Nick Chalifou, Sonic 2 et Sonic Spinball. Pour après ça, that's it. Donc, c'est Sonic 2, Sonic Spinball. C'est vraiment Sonic 2, Sonic Spinball. Hein? Ouais. C'est vraiment un incontournable. Mais... je vous dis, Sonic Generations. Ouais, là, c'est une tente un peu. Là. Ouais. Durant mes vacances, peut-être. 30$, man. 30$. C'est quand même deux trades. De coming ouais, c'est deux trades. <C'est rire> J'aurais pas vu ça de même. On verra. On verra. Je promets rien. Ouais. C'est bon. C'est ainsi que se termine le 33e épisode de Rétro Nouveau. Merci beaucoup, Ben. Oui, merci à vous. Oui, écoute, merci on s'en vient un petit peu chaud d'œil, fatigué. Ah, moi, je suis fatigué, ouais. Ouais, on a fini le cake de Heineken, là, je pense. Il est fini? Ben, non, il en finit pas. Ça, il en reste-tu? Il ben ça, dans ma bouche. Il reste juste le backwash. Pas mal fini. Ouais, il est pas oh mal my fini. God. Ben, je t'annonce que je le mets au recyclage, là, même s'il reste un, yes. un demi-pouce dans le fond. Là, je vais pas boire comme ça. Comme Sonic, on est extra-radical. Fait que, Ben, où est-ce qu'on peut te retrouver? Explique-nous ça vite ben, fait. Ben, chez encore. Nous. Non. le grand maître des mystérieux étonnants. Ben, sur mystérieuxétonnants.com. qui est notre site officiel, qui est mise à jour, quelqu'un qui vient de se faire pétailler dehors, mise à jour assez quotidiennement, donc des nouvelles qui sur qui est la... pas mal le site de référence au Québec pour les comic books. Comic books, si mais on parle pas mal de tout. Là. Oui, tu ouais, disais jeu, ça ouais, culture populaire, oui, pas mal. Beaucoup comic books. Attends, je vais fermer la porte, hein, c'est la folle en arrière qui... Oui, il y a quelqu'un en arrière qui a des problèmes psychologiques, puis la niche fait du bruit à tout moment donné. Ah, okay. C'est vraiment weird, hein? Rétro Nouveau, en direct de l'Institut. Mais j'entendais Pinel. Vraiment le pré-boss. C'est comme, come on! C'est ça que j'entendais pour le oui, mystérieuxétonnants.com, mise à jour quotidiennement. Vous pouvez trouver nos émissions qui sont disponibles là, sur iTunes. Sinon, sur Twitter, c'est sur mystérieuxe. Puis c'est moi qui gère le compte. Donc, si vous parlez à quelqu'un, ben, c'est moi qui vais répondre. Puis je réponds absolument à pas mal tout le monde. Sinon, le groupe Facebook qui est pas mal actif, mystérieux, étonnant sur Facebook. Vous êtes rendu à combien d'épisodes? Là, on est rendu avec le dernier 272. Donc, 272 épisodes de qualité. Ouais, non, des premières années, c'est pas vergeux, mais sinon, non, je suis pas très fier. Je dirais que les trois dernières années et demie, quatre ans, là, je commence à être content de ce que le show peut être, mais vous n'avez assez, là, de toute façon. Si vous rendez en descendant vers zéro, vous êtes fort. D'ailleurs, Jeff l'a fait. Le cameraman, votre cameraman. Ah oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait au complet. Seigneur, wow. C'est tout un stress. Un trooper. Ouais, un trooper. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Mais excellent show. Vraiment, ouais, merci. Bon merci. Show. Ouais. Puis on te retrouve à Monsieur Net au mois de la fin. J'espère, je sais pas. Ben, j'espère que oui. Tu revenais, tu faisais ta tellement ouais, de bonnes jobs. Ben, j'aimais ça, mais j'aime ça parler des trucs que j'aime. Donc, ben j'espère oui. revenir. Puis, bande à part aussi, des fois, je fais des chroniques comic book à la radio de Radio-Canada. Ah, donc, nice. Le vendredi à 19h. Non, 21h30, si je me souviens bien. Bon, fantastique. Fait que on se retrouve la semaine prochaine. Oh yeah. Salut. Bye. Retro Nouveau.